Behind the breakthrough innovation, biotech is known for real people. People driven by passion, perseverance, and ingenuity. I am Alberto Grignolo and host of Clinical Trailblazers, a podcast from Parexel Biotech, where science meets human stories. In each episode, I sit down with biotech visionaries to hear about the decisions, risks, and accomplishments driving the future of scientific innovation. Subscribe now to Clinical Trailblazers, wherever you get your podcasts. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Tout d'abord, elle est comédienne et autrice. Après s'être fait connaître sur YouTube avec les Glamouzes en compagnie d'Alison Chassagne, on a pu la voir dans Le Réseau chez Sympa Cool sur YouTube, série qu'elle coécrit par ailleurs. Elle a aussi travaillé sur la dernière saison des Cassos, sur Immobuzz, et elle va même sortir un roman à la fin du mois de juin en mode voilà quoi. Alors c'est le titre, en mode voilà quoi, même si je pense qu'elle le sort en mode voilà quoi. Bref, en mode voilà quoi, voici Camille Fiavès. Bravo. Salut, merci. Youtubeur, auteur et metteur en scène, il a entre autres réalisé un des pires films de l'histoire du cinéma, des BD et même un porno. Sur YouTube, il a mené plusieurs enquêtes à la manière d'Élise Lucet et tous tremblent quand ils voient qu'il poste une vidéo. Qu'importe le procès de Geneviève Amber Heard, ici on a Babor et David Michigan. Est-ce que Babor aussi, est-ce que chez Babor aussi, pardon, on va retrouver des excréments dans son lit? Il nous le dira, c'est Babor. Merci beaucoup. Je pense que oui, moi. Trop bien la bio, merci. Il a grandi comme un prince de la ville, le roi du hall dans le ciel, pas plus d'une étoile, en face du trône, des grammes, des kills de peine, même dans le ben. Un frère, un fauve, le M, comme Méniel, c'est Adrien Méniel. T'as la rêve, bien sûr. Je suis pas sûr, je dirais PNL. Non, mais... bien joué. Ouais. Non, moi, j'ai rien capté. J'étais au concert. Oh, alors, c'était j'ai bien. Pas capté. Écoute, j'ai été invité, j'avais jamais écouté de ma vie. Le concert était franchement bien. C'est vrai. C'était franchement sympathique. Mmh. Ouais, non, le show était bien. C'était deux frères, hein, sur moi. Ah, c'était deux frères. C'était très QLF. Hein. Les stories des gens faisaient pas du tout envie, je trouvais, moi. Les gens, ça faisait vraiment. Il faut le vivre. Ouais, il voilà. Faut le vivre. Mais je pense qu'il faut le vivre. Après, est-ce que ça fait parfois envie les stories de concert? Non, jamais. Non, jamais. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que peut-être il faudra pas arrêter? Non, mais on met les pieds dans le plat, peut-être. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression, il y a une assiette qui est là posée par terre avec de la nourriture. Oui. Oui, t'as mis le pied dedans. Un orteil à peine. Mais... Après, est-ce que les stories c'est là pour faire. C'est pour soi-même. Mais tu t'auto, mais c'est bien. Mais je débat avec moi-même. Je suis très seul dans ma vie, donc j'ai pris l'habitude. En plus de boxer avec les mots, tu débats avec toi-même. Avec moi-même. Alors, les news du Floodcast, un spectateur s'est blessé la clavicule alors qu'il assistait simplement à un spectacle. Bah, il a en dabant. Non, il n'a pas d'abbé. Non, mais d'accord. Une question. À votre avis, quel était le spectacle? Et c'était pas le concert de PNL. Alors, il s'est blessé à la clavicule. À la clavicule. Un truc genre Mesmer. Oh là là, très bonne réponse. C'est vrai? Mais directement. Wow. Mais non, j'y crois c'est pas. C'est juste Mesmer. Je peux pas le croire. Mais si, mais si. C'est Mesmer littéralement. J'ai... Alors, c'est pas. C'est... Ah, c'est non, non, un... c'est Mesmer. Ah, c'est Mesmer. Mais non, mais attends. Mesmer ne lui a pas. Mesmer ne lui a pas cassé la clavicule. Le nouveau mec de son ex, il lui a fait. Attends. Ça fait partie du spectacle, ça? Ouais. Voilà, allez, tu te réveilles maintenant. Non, alors. Tu ressentais pas la douleur? Bah, si. Ouais, bah. Je t'ai pas hypnotisé, c'est pour ça. Allez. Alors, à votre avis, comment ça s'est passé? C'est tout simple, hein, en fait. Et ben, il l'a endormi, il est tombé et bim. Bah, tout simplement. C'est tout. Ça. C'est même pas genre. Quand je dis berlingot, ta clavicule se casse. Non, en fait. C'est Thanos, en fait. Ouais, Mesmer, c'est quoi. Non, en fait, ce qui s'est passé, il était sur scène. Mesmer, à ce moment-là, lui fait croire qu'il est l'un des guitaristes du groupe de rock Kiss. Alors, il se prend au jeu, parce qu'il est hypnotisé, le mec. Alors, il se prend au jeu, il se met dans la peau d'un rocker, il est volubile, imite les gestes d'un musicien. Non. Et hélas, il tombe. Donc, il s'est pas endormi. Ah, donc pas du tout, en faisant le zozo, quoi. En faisant le zozo, il faisait tout simplement. Ah, il a genre trébuché. C'est ça, il se prenait pour Kiss, quoi. À ce moment-là, stupeur dans la salle, le spectacle continue. L'hypnotiseur fait quelques blagues, alors que les pompiers arrivent et évacuent l'accidenté. Mais en faisant le poulet, les pompiers l'ont évacué. Bon, bah arrêtez, Mesmer, là, ça manque de respect et tout. Ah, ils baissent leur froc, les pompiers, ok. Ok. La clavicule gauche cassée et une entorse au poignet droit. un sérieux problème pour l'homme qui est musicien professionnel. Il en a pour plusieurs semaines de convalescence. Ses projets sont stoppés net et il espère obtenir une compensation financière. Il se demande surtout pourquoi l'équipe de sécurité de l'artiste québécois n'était pas plus efficace. De son côté, c'était le guitariste de Kiss. C'était le véritable. De son côté, la production assure que c'est la première fois qu'un tel accident arrive lors d'un spectacle de Mesmer. Nous prenons ça très au sérieux et sommes en contact avec le spectateur blessé, assure l'attaché de presse de la société de production. En contact, lui, il veut de l'oseille quand même, apparemment. Juste être en contact. Ça va bien ? Bon, bah voilà, on a fait notre boulot. Non, non, de l'argent. Ah, évidemment. Quoi d'autre ? Est-ce que vous croyez. Est-ce que déjà vous êtes déjà fait hypnotiser ou un truc comme ça ? Non. Non, jamais ? Moi, j'ai déjà fait une séance d'hypnose. Ah ! Pour un problème perso. Sympa. Et c'était. c'est une histoire hyper longue. Je sais pas si je vais m'en sortir. J'en supplie, j'en supplie. Bah, j'y allais pour une histoire perso que je peux pas dévoiler parce que la honte. T'inquiète pas. Okay. Et on commence. En fait, elle te fait fixer un point un peu en haut, un peu en bas et tout. Ouais. Et ça a un peu marché sur moi. Genre, je me sentais un peu partir. C'était hyper agréable et tout. Et après, elle m'a raconté des contes sur le thème de pourquoi j'y allais. D'accord. Okay. Et après, ça s'est transformé en voyage mental. C'est-à-dire... Donc, tu prends l'ascenseur, tu descends 10 étages, et à chaque étage, tu te relâches un peu plus. Ah, ok. Et en fait, la meuf, pendant toute la séance, elle avait une cigarette électrique. Tous les 10 mots, sérieusement, elle faisait. Mais ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. C'est ça. Et je fais tout le voyage, donc c'était très onirique avec la nature, le jardin. Et à ce moment-là, ça fonctionne, tu y es. Non, mais tu t'imagines, tu te forces. Moi, je me forçais, je savais pas trop ce qu'il fallait faire, tu vois, mais moi, je me forçais à imaginer. J'ai payé. J'avais pas encore payé, mais je savais pas trop le montant, on en avait pas trop discuté. Donc, je me suis dit, je me donne un peu, quoi. Normal, j'ai envie que ça marche. Et il y avait un moment où il fallait que je me baigne dans une fontaine, dans une cascade, et que je laisse partir dans l'eau tous mes soucis. Et là, truc de ouf, torrent de larmes. Ah ouais. Genre, mais sans tristesse, tu vois. Genre, vraiment, plein de larmes qui coulent. Et moi, j'étais allongée, en fait, dos à elle, donc elle me voyait pas. Ah, c'est elle qui pleurait. Et on finit le truc. Elle me dit, alors, comment ça s'est passé ? Et du coup, je lui dis, en fait, au moment de la cascade, j'ai eu un torrent de larmes. Elle me dit, ah bon ? Oh putain ! Quoi ? Oh merde non. Elle a sauté par la fenêtre. Partez. Et bref, on discute et tout. Et je lui dis, c'était un super bel appart vers Arts et Métiers, là où il y a le beau parc, vraiment dans un haussmannien magnifique et tout. Et je lui dis, c'est magnifique chez vous. Elle me fait, c'est pas chez moi, c'est chez ma mère. Mais elle avait 50 ans, tu vois. Elle était vraiment déguisée. C'était de l'ombre en plus. Mais en fait, pas loin, parce qu'elle était un peu déguisée en Madame Irma. Elle avait du noir, un turban. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais moi, je suis vraiment la pire des pigeons. Mais cela dit, t'as pleuré, donc il y a eu un truc. Ouais, il y a eu un truc. Et à la fin, je lui dis, combien je vous dois. Donc, je lui donne. Et elle me dit, elle prend l'argent et elle dit, voilà. Vous étiez ma première cliente. Ah incroyable. Elle a dit cliente ou patiente? Je m'en souviens plus. Dans ma tête, j'ai remixé en cliente parce que je me suis vraiment fait enculer. Incroyable. Mais comment t'es tombée sur elle du coup, internet? C'est une copine qui me l'a recommandée. Et moi, je n'osais pas trop faire la démarche de chercher quelqu'un. Je voulais que ça vienne à moi, que ce soit un peu sur mon chemin. Comment ta copine te l'a recommandée alors que t'étais sa première patiente? Parce qu'en fait, elle avait... C'était sa tante. Non, mais très bonne question, tu suis hyper bien. Elle testait un peu gratuitement. Oui, c'est ça. Je suis la première conne à avoir payé. C'est ça, elle s'entraînait en fait. Sa première pigeonne, patiente, pardon. Et du coup, je lui ai demandé si elle faisait l'hypnose pour arrêter de fumer, comme une blague, parce que elle m'a dit, non, parce que moi, mais elle parlait vraiment comme une clocharde comme ça. Parce que moi, je suis l'agent de Joey dans Friends déjà, donc j'ai pas que ça à faire. Dans la fontaine. Est-ce qu'elle t'appelait ma chérie? Ma chérie, tu penses bien? Oh, tu me files 5 balles, c'est bon. Oh, pas tortiller du cul pour chier, attends, tu rigoles? T'as chialé. On descend au PMU, tu prends un rapido et puis on en parle plus, oh là là. Les conneries là. Qu'est-ce que je pue des doigts, putain. Oh, faut que j'aère. Oh là là. Et toi, t'as déjà fait? Je pense pas. Non, alors, mais moi, je suis. En fait, je pense que l'hypnose comme ça, un peu. Je sais pas, j'ai du mal. Moi, les trucs, mais genre Mesmer et tout, j'ai du mal à y croire quand même, quoi. En fait, à chaque fois que j'ai vu des trucs d'hypnose, genre par exemple des hypnoses où ils disent alors, tu vas te réveiller et tu seras persuadé que je te dois 50 euros. Et ils claquent des doigts. Et la personne, elle fait, hey, mais 50 euros, ils sont où mes 50 euros? Et tu fais, bah, tu te comportes pas comme ça quand quelqu'un te doit 50 euros, en fait. Tu sais pas, t'agresses quelqu'un, genre, à chaque minute de ta c'est vie vrai, que t'es avec cette personne, tu fou. Fais, hey, mais 50 euros! Bah, donc c'est n'importe quoi, en fait, quoi. Enfin, parce que même là, il dit, vous êtes le guitariste de Kiss. Déjà, est-ce qu'il tu fais genre, c'est quoi, putain, Kiss? J'ai une belle carrière. Non, tu fais juste quoi? Tu fais pas genre, enfin, c'est, je sais pas, en fait, je me demande à quel point ça repose, un, sur la volonté des gens de faire leurs intéressants sur scène, quoi, ouais. Ou devant une caméra, et deux, de pas vexer l'hypnotiseur, quoi. Tu fais, oh merde, c'est abusé pour lui si ça marche pas, donc tu fais, ah, je suis Kiss. Et après, tu regardes, genre, mec, tu me dois une fière chandelle, parce que je ne ressens rien du tout. Ouais, mais en même temps, regarde ce mec qui s'est pété la gueule à Laval, là, c'est, voilà, il y a quand même un truc de... Ah ouais, mais peut-être qu'il, juste, c'est ça, quoi, il s'est dit... après, en fait, le truc, c'est qu'on dit à chaque fois, non, mais ça marche seulement si t'es... réceptif. Ouais, tu veux que ça marche, quoi. Alors, j'ai fait quelques recherches, pas forcément. Certains disent, justement, que, au contraire, parfois, certaines qui n'y croient pas sont plus réceptives, justement. D'accord, donc c'est assez... c'est pas précis. C'est pas des maths, c'est pas des mathématiques, voilà. 2 plus 2 égale 4, sauf... Parfois 7. Voilà. Mais non, mais faut voir. Après, c'est selon. Ça dépend de quoi. Bon, oui. Ok, merci. À Tremeven, en Bretagne, pardon. On parlait de. On parlait besoin de préciser. Bon, bah oui. On parlait de Rapido. Un jeu d'argent et de hasard a célébré sa 3e édition. Pardon, il s'agit d'un loto, mais d'un loto d'un nouveau genre. Et je vous demande quel genre. C'est un truc un peu. C'est une sorte de loto. Mais un peu original, évidemment. Bon, est-ce que c'est lié à la Bretagne? Ce n'est pas du tout lié à la Bretagne. D'accord. Non. Un loto roulette russe, j'ai pas un truc. Un truc moins glauque, un truc un poil moins glauque. J'ai que des idées glauques. Donc attends, c'est dans cette ville-là, il y a juste. C'est dans à Tremeven. Non, non, alors il y en a ailleurs en France, mais c'est assez rare, hein, c'est pas un truc méga connu. Mais il y a, en l'occurrence, à Tremeven, c'est la 3e édition. Naturiste ? Pas naturiste. C'est une façon de faire du loto. Imaginez une façon un peu marrante. Ouais, c'est plus dans les règles. C'est on parle loto à thème ou un truc. Non, c'est okay, ça. C'est ça. C'est on parle du loto, genre on des tire chiffres, des boules. Voilà, et... le petit. Voilà, c'est le genre, c'est le 1 hein, dans le. Mais c'est pas, pas le bingo, le loto. C'est le loto. Ils disent loto. Mais en gros, il y a des chiffres qui tombent d'une certaine manière. Je vous demande laquelle. Et ah bah gros, c'est dans des balles qui sont dans le trou de balle de quelqu'un, non? Quelqu'un qui. Non, c'est des animaux. C'est des balles de ping-pong dans le. Non, j'en sais rien. Donc en gros, il y aurait quelqu'un d'accroupi. Non, mais je réfléchis à comment ça fonctionne. On lui met les balles de ping-pong à l'avant. Dans le cul. Il y en a 100 du coup à mettre. C'est possible. C'est énorme. Et après, ça fait 7 km les intestins. Largement 100 balles de ping-pong. D'accord. Et après, effectivement, bon bah, un peu comme dans Motus, au final, tu tournes un peu les boules et après, tu en sors 5 du coup. Non, mais en fait, ça tient pas la route parce que non mais parce que c'est pas aléatoire du coup. Bah tu prends que les dernières. C'est dans l'ordre ouais, de c'est ça. Ouais, non. Ouais, non. Désolé. Est-ce que c'est pas un animal qui prend des trucs au hasard ou Alors c'est pas un animal qui prend des trucs au hasard mais c'est lié à un animal. Un animal s'il va manger tel ou tel truc, il se dirige vers un non. truc. Non, mais c'est il se dirige effectivement. Mais c'est pas avec la nourriture. C'est un animal marin. Non. Un chien ? Non. Ça m'intéresse. Un truc de ferme quoi, un cochon. C'est une vache. C'est une vache. Une vache, OK. Et si elle chie sur des cases ? Excellente réponse. Un peu collective, mais quand même d'Adrien Méliès. Il y avait quand même une sorte de trou de balle. Alors il y a un trou de balle, effectivement. C'était plus dégueulasse, je trouve. C'est en extérieur ou c'est. C'est dans un superbe hôtel. Oh, relou, c'est chez moi cette année, putain. Bah, chez ton hypnotiseuse, là. C'est pour ça qu'elle fait ça chez sa mère. Chez sa mère. Bah, chez moi, c'est plein de bouffe de vache, moi j'ai rien. Je rigole, ça pue la merde. Obligé de mettre des bottes, bah oui, bien sûr. Attention, j'aime beaucoup cette femme. Attention. Attends, ça veut dire qu'elle chie 100 fois de suite pour avoir les 100 numéros? Alors non, parce qu'elle a juste à chier 5 fois. Il n'y a pas qu'une vache d'ailleurs. Je vais vous dire un peu comment ça fonctionne. Ça s'appelle le Lotobooze. Bien sûr. Qui sonne bien déjà. Et qui sera le titre de l'épisode. Peut-être bien. Le Lotobooze. Parti de Bretagne, le jeu a déjà gagné la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est et également dans les Hautes-Alpes. En gros, le concept, vous prenez un prêt. Et on le quadrille comme un damier avec un colorant blanc qui sert normalement au terrain de foot. Oui. Bien sûr. Chaque case a son numéro. Vous pariez sur un numéro et on lâche une vache. En gros. Et si la vache se soulage sur votre case, vous gagnez tout simplement l'argent. C'est une tombola en fait. C'est une tombola, une sorte de tombola. Autant aux parieurs qu'aux petites communes qui triplent voire quadruplent la cagnotte du comité des fêtes, on peut rapporter gros. Si vache chie, si les, déjà vache si elle chie dans un tonneau, la même case. C'est rigolo, mais c'est salaud. Non, c'est rigolo, mais c'est salaud. Oui, bien. Effectivement. Est-ce que comme l'euro million, ceux qui gagnent, ils ont un suivi psychologique pour savoir comment gérer l'argent du lotobooze? Mais en plus, c'est très particulier parce qu'ils mettent. Tu paries sur aussi, visible, enfin, j'imagine, sur une vache parce que sur la photo de France Inter, parce que c'est un article France Inter. Hein. La vache a un chiffre sur elle. Bah ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un truc où tu dois mettre genre Ah, c'est comme les noirs et les rouges à la roulette, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un truc aussi où tu paries genre cette vache là va chier ici. Donc si elle chie, si c'est pas cette vache là qui chie Des paris combinés en fait. Comme exactement. Ce genre de truc. Ou alors c'est pour checker que justement ce que je voulais dire c'est que les vaches chient pas au même. S'il y a deux vaches qui chient sur la même case, peut-être que ça compte peut-être. Pas. Peut-être. Mais de toute façon, s'il y a des arbitres de l'autobus, j'imagine. Bah, tu parlais de Betclic, je crois que c'est sur Betclic. Hein. C'est Winamax qui gère ça. Il y a une fédé de l'autobus. Fédération de l'autobus. Continuons un petit peu d'ailleurs les histoires de l'auto. Enfin, si ça vous va. Bien sûr. Oui, okay. Non, mais parce que c'est important. Là, on est tous fans de l'auto autour de la table. Une Française a joué tous les bons numéros. Jeux, j'imagine. Ça, j'ai vu. Ah, tu l'as vu passer ? Aïe. Bah, dis toujours, mais une Française a joué tous les bons numéros qui sont tombés à l'euro-million et pourtant, elle n'a pas pu toucher les 23 000 euros de la cagnotte. À votre avis, pourquoi ? Parce que c'était pas le bon jeu. Bien je joué. Je le dis, non, mais le mec. J'ai le droit de gagner, quoi. Bah, attends, on manquerait plus que ça, on est là pour ça. En fait, elle a joué au Super Loto, pas du tout à l'euro-million, mais elle a joué tous les bons chiffres dans l'ordre. Mais de l'euro-million. Non, de Super Loto. Et du coup, c'est l'euro-million qui est tombé. Tout simplement. Bah elle a perdu quoi. Elle a perdu si elle avait joué. Oui, je veux dire, les chiffres sont tombés à l'euro million. Exactement. Mais ok. C'est ça. Deux Lillois qui avaient tenté leur chance comme de nombreux autres le vendredi 13 et ils sont passés à côté de 23 000 euros. On les embrasse. Après, c'est. Attends. Genre, l'euro million, tu gagnes 23 000 euros quand t'as tous les bons numéros. Non, c'est pas tous. Elle devait avoir 5 sur les 7. Ah oui, tu d'accord. Comme ça. Oui, d'accord. Non, il m'en avait pas les deux bonus de fin. C'est vraiment pas terrible, quoi. Ouais. Surtout, la super cagnotte du vendredi 13. Euro millier. Savez-vous ce qu'est la triméthylaminurie ? Eh oui, je l'ai dit d'un coup, vous avez vu. C'est sorti très naturellement. Bon, ça a forcément rapport avec la merde. Non, alors écoute, tu seras surpris, ça n'a pas de rapport avec la merde. Ah, bah, restez avec une piste. Vraiment. Restez quand même avec nous, hein. Mais la triméthylaminurie. C'est une maladie. Alors oui, voilà, c'est une maladie. En tout cas, c'est une gêne. Ah, une pathologie, exactement. C'est un rapport avec la pisse. Ça n'a pas de rapport avec la pisse. Truc un peu dégueu. Non, forcément, un truc un peu. Un peu dégueu, ouais, un peu okay. dégueu. Est-ce que c'est un truc qui est présent dans le sang? Non, je ne crois pas. C'est un truc corporel. C'est corporel. C'est physique ou c'est mental? C'est physique. C'est physique. Okay. C'est quand tu pues grave, ta sueur et pue de ouf. Putain, je... Alors, j'allais c'est une très un bonne réponse. J'allais plus dire... précisément, c'est quand tu pues le poisson. C'est ça, j'allais là-dessus. Ouais. C'est une odeur en particulier. Parce que mon c'est frère, l'avait dans une. Non. Il avait fait un quiz sur la santé à la nuit originale et il y avait cette question-là. La Fish-Odor syndrome, fausse pour les intimes. Comment vous réagissez-vous quand il y a quelqu'un comme ça? Déjà, est-ce que vous êtes déjà sensible des odeurs ou autre chose comme ça? J'ai un flair de clébard, c'est mon fardeau. Ouais. Ah ouais, ah, je sens tout. Ah ouais. Mais particulièrement quand ça pue, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je sens tout avant tout le monde. Et c'est ça te répugne vraiment? Ouais, c'est l'enfer. C'est parce que tu sens tout avant tout le monde, mais est-ce que tu sens plus fort? C'est ma question. Bah, je pense que ouais, parce que moi je sens toujours et les gens ils sentent ouais, t'abuses et tout. Alors que vraiment, j'abuse pas. Pour moi, c'est horrible. Ok. Ouais. Ok, toi Adrien, t'as ça aussi un peu? Moi aussi, moi je suis un peu comme ça, hypersensible aux. Pas hypersensible, très sensible aux odeurs. Tu es également hypersensible, ainsi qu'un zèbre. je le rappelle. Donc, Non, mais ouais, même les odeurs de parfum, moi ça m'agresse à. Ça à c'est fou, quoi. Parce que moi je mets de l'encens chez moi. Alors j'allais dire justement, ça me dérange pas quand les gens puent, quand ils mettent de l'encens pour compenser. Moi je mets juste de l'encens chez moi parce que j'aime bien l'odeur de l'encens et toi tu détestes ça. C'est uniquement quand. C'est un week-end où ta meuf est pas là, où probablement mais t'as pas pris de douche. C'est... Mais après, ça n'a rien. Non, bâtard, mais pas du tout. C'est parce que justement, ma meuf, est comme toi, elle n'aime pas l'odeur de l'encens. Donc quand elle est pas là, je mets de l'encens, c'est un peu ma fiesta à moi. Parce que voilà. Non, j'adore l'odeur de l'encens. Moi, je mets tout le temps de l'encens chez moi. Okay. Mais toi, ça te fait vomir ça? Non, te... ça me fait pas. Alors quand j'étais plus petit, toi, ça c'est me... l'injustice déjà qui te fait vomir. C'est plus ça. Ouais. Ouais, c'est plus Darmanin. C'est plus Darmanin, ok. Oh non. Oh là là. Tu biperas ça, on peut pas. Je vous rappelle que notre président, c'est un macaron plein de sucre. Non, mais je le dis quand même. Voilà. Non, mais je le dis. Quand j'étais petit, ça me faisait ça me foutait des migraines, les odeurs comme ça. Ouais. Donc là, ça va mieux, mais ça m'agresse pas mal, les odeurs de parfum et tout. Si j'étais dictateur, j'interdirais le parfum. Ah oui. Si j'étais dictateur. Plus que les gens qui puent. Non, c'est la chose. Bah, en vrai, je préfère une odeur de sueur, je pense, à une grosse odeur de parfum. Ah, je crois que je préfère quelqu'un qui sent la sueur. Mais je crois qu'en Corée, c'est impoli en fait de mettre trop de parfum. Ah ouais. On commence à une ligne de. Ouais, tu veux être dictateur, tu veux aller en Corée. On est sur une ligne directive, c'est bien. Après, je pense qu'en Corée du Nord, juste t'as pas les moyens de t'acheter des parfums. C'est ça. Mais moi, je pense que aussi, j'ai un rapport. Enfin, quand j'étais petit. Moi, je crois que j'étais dégueulasse quand je puais. Non, mais tu vois, il y avait un truc de l'adolescence où je faisais pas gaffe. Non, mais mine de rien, j'ai mis du temps à comprendre que. Fallait décaloter pour se laver. Entre autres, tu vois. Non, mais par exemple, le Ménène. Moi, j'achetais du Ménène 48 heures quand j'étais petit, enfin quand j'étais ado. Et genre, je trouvais ça stylé, genre cool. Comme ça, j'ai pas à me doucher pendant 48 heures, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est passé à 72 depuis en plus. C'est incroyable, ça d'ailleurs. C'est honteux, ça devrait être interdit, quoi. Ça incite, quoi. Tu peux rejoindre le gouvernement d'Adrien. J'en suis, je signe direct. Qui fusille en place publique, les gens. Tu seras ma Darmanin. C'est ça. Je suis flatté. Toi, Babor, comment t'as déjà fait quoi? J'aime pas les gens qui puent. C'est à peu près tout. J'ai pas. Tu dis les choses, tu dis les termes. J'ai pas de gag reflex. J'aime bien les gens qui se parfument. Moi, ça me dérange pas. C'est pas par esprit de contradiction. Non, mais il y a des débats. J'aime bien quand ça sent. C'est les grandes gueules ici. Ouais, c'est ça. On peut s'engueuler à tout moment. Hein. Je suis le Gilles Verdez, j'aime les gens qui sont de bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que... Vous n'allez pas l'interdire, il va l'écrire sur sa petite ardoise. Mais ça met du parfum ici. Ouais. Voilà, ça met du parfum. Moi non. Bah non, toi non, bien sûr que non. Moi, une fois, j'étais dans le train à côté d'un gars qui avait l'air très nerveux. Il était tout le temps. Enfin, il avait l'air hyper stressé et tout. Et cet enfoiré s'est mis du déo. À côté de moi, mais genre du déo en bombe quoi. Il a mis sous son t-shirt là, il a vraiment fait sous chaque aisselle quoi. C'est du axe en plus. Et vraiment j'étais genre putain mais quel bâtard quoi. Une insulte. Bah ouais, non mais direct. En plus c'est un aveu de bah je schlingue. Oui c'est ça. Je pense qu'il avait peur de puer. Alors peut-être qu'il avait la maladie. Ça c'est terrible par contre. Les gens qui ont la maladie, ils ont pas d'odorat. Ah oui oui. Ils doivent se dire, bah, est-ce que je pue ou ça s'appelle pas, le Covid. Quoi. Oh, waouh. Non, mais on a deux potes qui ont ça. Pas d'odorat depuis leur naissance. Pas d'odorat. Tu dois tout le temps te dire, est-ce que je pue, quoi. Mais le truc, c'est que moi, par exemple... Je sais ce qu'un de ces deux potes, mais c'était il y a 2 ans, hein, et il m'a dit, est-ce que quand on pète et qu'on a envie de chier, ça pue plus. Bah oui, et mais bien dit, sûr. Bah ouais, il me dit ah ok. Parce que lui savait pas en fait. Moi j'ai un autre pote, il est venu avec de la merde dans les mains. Il m'a dit ça sent. Ça pue ça ou pas? Ça sent ou pas? Donc j'étais embêté, je fais bah ouais. Oui, j'ai mais. Merde. J'ai fait ça dans le métro. Putain, merde. Non mais par exemple, moi tu pourrais reprendre ton anecdote du mec qui transpire. Moi ça m'est déjà arrivé une fois, Il transpirait pas tant que ça. Hein, ah plus, parce que moi c'était ça, j'allais rater mon TGV. Donc j'étais dans le métro, je cours, j'arrive à la barre, j'arrive dans le TGV, une horreur, je transpire de ouf quoi. Et c'est horrible parce que j'avais pas de déo sur moi, parce que voilà c'était dans ma truc. Et là tu sais que t'es embêté, et donc je suis resté vraiment assis dans le couloir pendant tout le truc en disant je vais attendre de sécher du coup comme un vulgaire linge. Bah après tu pues quand même quand t'as séché. Bah hein. C'est ça. Enfin, mais c'est même à ce moment-là que tu pues, je pense plus. Donc la SNCF dans le wagon bar, un petit déo, voilà, un petit déo pour nous, ça ferait plaisir quand même. Mais non, c'est à toi de t'organiser, d'avoir un petit déo à portée de main dans ton sac à dos, ou dans une banane. Alors vous le savez, le 12 juin c'est les législatives. Bien sûr, tout simplement. Et le 19. Et le 19 derrière. Et dans la 9e circonscription de Paris, les gens vont voir un face-à-face pour le moins insolite. Ouais, à votre avis, pourquoi il est insolite? Ok, alors laissons un petit peu chercher. Non, tu pourras dire tout à l'heure. Ouais. À votre avis, pourquoi il est insolite? C'est quoi, les gens vont avoir un face-à-face? Oui, c'est-à-dire entre les candidats. Ah, d'accord, ok. Il y en a deux. Ah, il y a un mari et une femme? Non. Deux frères. Le PNL. Alors, c'est pas le PNL. C'est pas le PNL. De Lyon, peut-être. Non. Vraiment, il ne sait. Enlevez PNL de la table, okay, ce n'est pas le groupe PNL. Okay. Ah, j'ai du mal quand même. Un rapport avec l'ammoniaque, non? Ce serait encore PNL. Et je te dis, ils ne sont pas dans cette question. Deux personnes s'appelleraient Dédé, peut-être. Non, parce que là, t'es encore sur PNL. Ils ont exactement le même nom. Non. Très bonne réponse. Wow. Alors, c'est plus pervers que ça. Tu connais un peu plus l'histoire? Tu peux peut-être nous l'expliquer? Ouais, c'est Sandrine Rousseau qui se présente. L'Europe Écologie, les Verts. Ouais. Et en fait, en face, c'est. Il y a un gars. Quel parti? Ouais, je sais plus le titre, mais c'est l'ancien chasse et pêche, quoi. Ouais, enfin, voilà. C'est chasse pêche, nature, tradition. Et ils ont foutu une autre Sandrine Rousseau, en fait, dans la tête de liste pour. Volontairement pour faire chier. Exactement, chier, qui n'est en fait même pas une politique, qui est une femme d'un gars de chasse pêche, machin, ouais, juste pour faire chier. Pour embrouiller les gens au moment du vote. Donc encore une fois, les chasseurs, des gens géniaux. Ouais. Non, non, mais c'est Willy Schren, là, le chef des chasseurs, qui a dit que si les gens voulaient pas se faire tirer dessus, ils avaient qu'à se promener chez eux. Bah ouais. Une super idée. Bah, faut y réfléchir. Vraiment une super idée. Faut y réfléchir. Donc oui, Sandrine Rousseau, la compagne d'un ami très investi dans le mouvement chasse-pêche. Elle est adhérente du mouvement, mais sans engagement politique jusque-là. Quand j'ai découvert son nom, je lui ai proposé de devenir candidate en me disant que ça allait parler un peu. Là, c'est énorme, dit-il. Oh, un prank. Ouais, c'est un génial. Putain, mais quel... On prank les législatives. Wow. Voilà ce qu'on fait. Alors, il y a plusieurs personnes un peu marrantes, parce qu'il y a des candidats un peu surprenants à ces législatives. Est-ce que vous savez des noms comme ça, de gens un peu connus? Il y a des gens un peu du monde du spectacle qui se présentent. Francis Lalanne de retour. Francis Lalanne est de retour. Francis Lalanne. Après avoir gagné son procès contre Fort Boyard. Bah, là, il s'en poussait des ailes, Francis. Bah, ça y est, là. En Charente, troisième circonscription de Charente, Francis Lalanne retourne au front. Parce qu'il avait déjà... Charente en plus, Fort Boyard, Charente-Maritime. Ça, on n'est pas loin, mec. Un pied de nez pour moi. Il a été crédité de 3,7% dans le Marin en 2007. C'est pas la première fois qu'il se présente, hein, Francis. Ah ouais, c'est pour ça. Puis de 1,1% alors qu'il est suppléant d'un candidat d'hiver gauche dans l'Essonne en 2017. Le chanteur n'a jamais réalisé de gros scores législatifs, effectivement. Depuis engagé dans le mouvement social des Gilets jaunes, Francis Lalanne souhaite désormais être élu à l'Assemblée nationale. Comme le relève Charente Libre, il se définit comme un député animaliste, humaniste, écologiste et souverainiste. Donc c'est plein de choses mélangées. Et défendra l'étiquette France Libre. Voilà, tout simplement. Francis Lalanne. Un ami à toi, je le rappelle. France Libre. Un autre, à votre avis. On est dans le milieu de l'humour. Pensez humour. Guy Montagnier. Bigard. Non, pas Bigard, pas Guy Montagnier. Deux très bons noms qu'on vient de me dire. Guy Montagnier m'a fait plaisir. Dans l'humour, Jarry. Pas Jarry. Michael Gregorio. Pas Michael Gregorio. Non, on est sur des gens un petit peu plus à l'ancienne. Non, pas Patson. Non, pas Dieudonné. Non, il y a un imitateur. Gérald Daron. Gérald Daron. Wow. Alors Gérald Daron, faut savoir que c'est plus du tout. Mais c'est, il salut, imite Chirac. C'est il dit salut, c'est Tim Cite en tirant un peu ses cheveux en arrière. Non, faut savoir que lui, ça fait plusieurs fois qu'il se présente. Il représente la France insoumise dans les Hauts-de-Seine. Il avait, pardon. Gérald. Ah bah alors Gérald. Sois un peu. Prends du recul, là. Tu ne fais pas une super pub. Il avait recueilli un peu plus de 8% des voix dans les Hauts-de-Seine. L'imitateur Gérald Daron a cette fois été investi par la NUP en Charente-Maritime dans la circonscription de Saint-Jean d'Angély où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en troisième position au premier tour de l'élection présidentielle. Âgé de 48 ans, ce spécialiste des canulars a souvent pris plaisir à piéger des personnalités politiques. À l'image de Nadine Morano ou de Ségolène Royal, il tentera de leur jouer un autre genre de mauvais tour à l'occasion du scrutin. Clin d'œil. Coquin Gérald. Est-ce que vous aviez entendu ce truc très drôle? Je sais pas, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast d'un canular de Gérald Daron qui a été diffusé, ce qui est quand même fou, où il prank Arthur. Et il imite, je sais plus quoi, bah peut-être disons Tim Cite. Bah, salut Arthur, c'est Tim Cite. Et Arthur a un fou, il fait, bon, je sais pas qui vous êtes, mais c'est ridicule. Genre, il ne le prend pas du tout. Et vraiment, bah, bon, il fait, écoutez, bon, c'est pas très bien fait, mais passez une bonne soirée. D'accord. Et il reste avec lui, t'as bien. Bonne soirée. Salut. Ciao. C'est vrai, vous le retrouvez, l'extrait, il est vraiment très marrant. Il fait, très on l'a bien eu quand même. Hein. Silence dans le studio. Et ben je vais vous donner les autres quand même. Attends, bah... Il y a une candidate de réalité, tout simplement une ex-gagnante de Koh-Lanta, Isabelle Seguin, voilà, qui se présente, ainsi que Laurent Baffy, qui lui vient représenter le parti animaliste. Où ça? Dans le, je vais te dire ça tout de suite. Dans le Loir-et-Cher. Paris 17e. Ah ok. Tout ah ouais. Paris 17e, candidat aux législatives bien deux pour le parti animaliste. Voilà. Vous ne votez, si vous ne votez pas pour les humains, votez pour les animaux. Tel est son slogan. Un peu nul. Ouais. Et bizarre toujours de mettre en compétition. Ouais. Alors qu'à la course, par exemple, il y en a beaucoup qui gagnent d'animaux. Un cheval gagne. Non, mais c'est vrai. Et à la bagarre aussi, par exemple. Ouais. Un gorille. N'importe quel type de singe, rappelons-le d'ailleurs, qui sont quand même très agressifs. Le très sérieux institut IFOP a publié une étude concernant les habitudes de salariés au quotidien et une gêne très particulière que ces derniers ont, à votre avis, laquelle? Une gêne? Une petite gêne qu'ils ont au travail. Ah bah, c'est du caca, non? Faire caca au travail. C'est un basique. Ça a duré 14 minutes. Désolé. Mais non, mais c'est très bien. Mais quand j'écoute le flow de casse, je trouve toutes les réponses aussi dans ma douche. Ah ouais. putain. Elle s'entraîne. T'as bossé. Faire caca au travail, voilà ce qui se passe au niveau des Français sur, les, sur l'Institut IFOP. Il faut savoir que. Alors, c'est pour parler du poop shaming. Donc, bon, tout est un shaming. Oui, oui. Peut-être ça va loin. Aller à notre étage, faire vite ou se retenir. Peut-être avez-vous déjà utilisé l'une de ces techniques gênées en voulant faire vos besoins au bureau. Vous êtes loin d'être le seul. Selon une étude de l'IFOP publiée ce jeudi 19 mai, 44% des salariés se retiennent d'aller à la selle sur leur lieu de travail. Alors, il faut savoir que ça a été réalisé pour une société de nettoyage, Diogène France. C'est toujours les sondages, souvent, c'est des marques en fait, oui, qui payent pour ensuite dire notre marque, elle vous aidera derrière, machin. Donc, ils ont pris 1003 salariés représentatifs de la population française entre 18 ans et la retraite. Et ils ont répondu à un questionnaire auto-administré en ligne du 18 avril au 21 avril. Et il faut savoir que 53% des salariés ont déjà ressenti de la gêne en déféquant sur leur lieu de travail. L'étude montre en effet que 60% des femmes sont gênées d'aller à la selle au bureau contre 44% des hommes, donc c'est un mal plutôt féminin. C'est notamment chez les femmes de moins de 40 ans que cette incommodité est la plus partagée. J'aime bien que plus tu vieillis, plus t'en as rien à foutre de chier. Vraiment, quand t'as 70 ans, il y a 100% quand j'en branle, quoi. Non, moi, je chie la porte ouverte au taf. Je fais un eye contact avec les collègues qui passent. Je fais quoi ? Quoi ? Si les toilettes sont prises, je fais dans l'urinoir. Je m'en branle. Mais je m'en fous. J'ai chié dans mon tiroir. Qu'est-ce qu'il y a ? Que quelqu'un ici ose me dire qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. Ah, attends, mais le poop shaming. C'est-à-dire, ouais, c'est genre des gens, quand tu sors, ils font ah, t'as chié. Non, ils ont honte. Sinon, ils ont honte de chier. Je pense que c'est des gens qui ont honte. Shame. Ils s'auto-shame, ouais, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oh, c'est ça, bah, les gens, quand même, ils disent dans le groupe WhatsApp ah, oh, je suis sûr que Séverine, elle a fait caca là. J'ai vu sa daube et tout. Ouais. Sa daube et tout. Ça fait, elle y est depuis longtemps, hein, donc à mon avis, elle fait pas pipi. Ah, c'est sûr, oh là, c'est un long pipi. Ouais. Alors, sachant que. Après, je pense avoir déjà été coupable de poop shaming, du coup, ouais, hein, c'est sûr. Ah, bah, pas plus tard qu'hier. Chez mon frère, il y avait un copain de mon neveu qui allait aux toilettes. Il est resté longtemps. J'ai dit, quand il est ressorti, j'ai fait tu vas fermer la porte quand même. Hein. Oh, trop méchant. Ah, ça va, le chieur. Bon, chieur dégueu. Après, laisser la porte ouverte quand on a chié, c'est quand même dégueulasse. Ah oui, là, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, la porte donne sur le salon où on était tous installés, quoi. Et ouais, il a pas tiré la chasse. Enfin, ça faisait beaucoup, quand même. Non, non, c'était énorme. Dans le même sondage, ils ont demandé quelle stratégie vous utilisez pour cacher un peu votre caca. Ils mettent de la musique sur leur téléphone pour pas qu'on les entende péter. Alors, je crois que c'est plus le après, en fait. C'est plus un truc d'odeur, tu vois. Par exemple, pour de l'encens. Pour contrer cet embarras. Mais moi, je chie dans mon salon, Adrien, tu le sais. Ouais, ouais. Les salariés mettent en place diverses techniques de dissimulation, comme l'usage du spray désodorisant pour 16% d'entre eux, ou le fait de craquer une allumette pour 9% d'entre eux. Un peu moins de 10% des collègues qui vous entourent transportent d'ailleurs actuellement un spray désodorisant avec eux. Tu vois, les gens, ah, ils sont prévoyants. Plus que toi, beaucoup plus que moi. Beaucoup plus que moi. C'est-à-dire qu'ils vont chier avec leur petit spray pour enlever l'odeur. Et donc, il y en a pas dans les chiottes, ça veut dire ? Bah, visiblement, pas dans toutes les boîtes. La plupart des techniques développées restent néanmoins genrées. En effet, lorsque 44% des femmes font vite leurs besoins pour que leur passage aux toilettes apparaisse comme une pause pipi, seuls 33% des hommes prennent cette précaution. Les autres jouent à Clash Royale. Et utilisent un VPN afin d'accéder à tous les contenus américains. De toute façon, les hommes, il n'y a pas de doute, puisqu'il y a le choix entre l'urinoir et les toilettes. Alors, des fois, moi, j'aime bien faire pipi assis. Ouais. D'accord. Non, mais, moi, je vais jamais dans les urinoirs parce que moi, j'aime m'essuyer la bite après avoir pissé. Donc, il n'y a pas de PQ à côté du urinoir. Donc, je vais jamais dans le urinoir. Trop bizarre, non, d'avoir la caquette à l'air à côté d'une autre personne qui a la caquette à l'air. Non, oh, ça va. Moi, c'est ce qui fait que je trouve qu'encore on reste des humains et on n'est pas sur nos réseaux sociaux tout le temps. Tu vois, c'est un peu où on se reconnecte. C'est plus ce qui fait regretter de pas y aller, moi. Tu vois. Pas avoir la belle teub d'un gars. Ouais. Non, mais surtout les bons urinoirs d'autoroute où il y a vraiment rien. Il y a même pas un petit volet. C'est vraiment un truc par c'est terre. C'est commun, quoi. Et on est en côte à côte. C'est une longue gouttière, on est côte à côte, ma foi. Mais est-ce que vous regardez la bite des autres ou moi, j'utilise pas. Est-ce que c'est quoi les règles tacites? Alors, faut pas toucher, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai touché. Mais non, en gros. Tu regardes droit devant toi. Non, c'est la vraie règle. Pas faire peur au mec. C'est ça. Tu fais. Un peu drôle. Eh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, cachotier? Non, mais en vrai, des fois, parfois, ton champ, enfin, si tu regardes la tienne, parfois, dans les trucs un peu serrés. Bah, tu vois un peu celle qui est à côté, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que vous dites bonjour? Enfin, voilà, c'est quoi? C'est plutôt le silence qui prime? Le silence prime, quand même. C'est comme l'ascenseur, en fait, mais fois 1000, quoi. Ouais. Dans l'ascenseur, il y a. Mais la bite à l'air, c'est comme l'ascenseur, la bite à l'air. Imagine, t'es dans l'ascenseur, la bite à l'air. Ouais, ça me parle, ouais. Mais après, en même temps, moi, je me dis, enfin, j'avais une image des meufs qui, même si elles sont dans des trucs fermés, parlent entre elles comme quand elles vont pisser ensemble dans les restaurants. J'ai beaucoup regardé avec une fille. Ma connaissance des femmes s'arrête à ça, hein, personnellement. J'ai l'impression. Non, mais on se fait ici toujours quand on dit beau pissou. Quand c'est... Bon, t'entends. Il y a des slow claps. Ça arrive, c'est plus rare, mais ça arrive. Vous, est-ce que c'est déjà arrivé? Oh, vous allez aux toilettes et derrière. Moi souvent, enfin, malheureusement, personne n'y croit. Mais il y a quelqu'un avant toi qui a lâché quelque chose d'horrible. Ouais, ouais. T'y vas pour un petit truc et quand tu sors, il y a quelqu'un et il croit que c'est toi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Certainement. Mais... quand il y a qu'un seul chiotte, c'est déjà arrivé. Mais moi, en général, je ressors. Si c'est vraiment trop horrible, je me retiens et je vais. Ah, tu te retiens? Ouais, ouais. Ah, moi, je peux. Moi, pas. Je peux pas. S'il y a vraiment un truc colossal de déjà dedans, je sais pas. Non, si non, ça mais me même, même si l'odeur. Le truc est juste l'odeur, il veut dire quoi. Ah, si ça pue la merde. Si ça pue grave moi, la merde. Moi, je préfère attendre. Dans ces cas-là, je suis assez sensible. Ah, ouais. Je me prends ah, l'odeur. Ouais. Ah, donc tu vois, tu es quand même sensible aux odeurs. Ouais, mais là, c'est quand c'est l'odeur. L'odeur de la merde. Oui, non, mais après, ça s'entend. Ça s'entend. Non, puis tu sais, t'as ce truc aussi quand t'es assis, tu chies. Et il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mmh, et du coup, d'un coup, ouais, d'un coup, ça devient. Bah, ça couple. C'est horrible. Ouais. Tu sais, ça devient une épreuve de Fort Boyard. Ouais. Et d'un coup, tu dis, il va s'impatienter, c'est terrible, faut que j'aille vite. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. J'étais brièvement, juste avant Golden Moustache, j'étais professeur d'animation. Ah bon ouais. Donc 7 ans pour apprendre ça. Bah écoute, beau, non, moi je pensais que tu le savais. Que tu non, j'ai fait ça assez, même pas. J'ai fait ça un an, même pas, je crois. Prof d'animation dans une école d'art en anglais. C'était okay. Une école américaine, genre. Et donc, je donnais des cours d'animation niveau débutant, quoi. Et à un moment, je vais chier, du coup, j'avais grave envie de chier. Et donc. Déjà, c'est marrant. Mais ouais, déjà, c'est déjà marrant. Et il était là, genre, oh, le vieux caca. C'est génial. Loulou, le vent. Malou, coubidou. Je vais prouter. Et donc, je suis en train de chier. Et. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer et donc à une élève a priori quoi, enfin ou un élève mais en l'occurrence c'est une et donc la poignée se tourne, elle voit que c'est fermé et il y a un petit temps et après j'entends et je fais genre mais tu crois que je vais dire entrez, je suis en train de chier en fait, c'est genre pourquoi tu frappes, c'est elle a fait. Et après, oh, bravo, il a chié. Bravo, il a chié de la bonne merde. Et du coup, ça ajoute une gêne supplémentaire quand t'es un des profs et que c'est, il y a les chiottes sont partagées avec les élèves. Ah, c'est horrible. Et tu sors. Moi, j'avais fait un regard assassin de ça. Un gars pareil, qui s'impatientait, tu vois. Donc moi, je me vois pas dire. Oui bah, je suis occupé. Oui, bah, c'est vraiment minable. Toujours une voix un peu nulle. Bah, ça va. Façon, parler en chiant, c'est la crotte au cul. Ouais, le truc le plus humiliant, quoi. Enfin, quoi qu'il c'est arrive, vraiment comme quand tu sais quand il y a un chien, il fait caca, tu sais, il te regarde un peu, oui, genre je suis l'homme le plus faible de l'animal. C'est pareil, c'est genre, mais arrête, pourquoi? Ouais. Et vraiment, quand j'étais sorti, il y avait vraiment un regard de pour qui tu te prends, putain, pour qui tu te prends. Non, c'est des choses qui te. Clément, est-ce que t'as chié déjà dans ta vie? Non. Mais ça me met des paillettes dans les yeux quand vous en parlez. Bon voyage, hein. Ouais, non, j'ai pas d'anecdote de ouf. Je détais juste qu'il y avait des chiottes où vraiment des chiottes publiques, j'entends, où sous la porte c'est très haut. Ouais. Ça, vraiment, ça t'arrive limite là. Ah, c'est horrible. Et ça, je ne supporte pas. J'ose pas chier dans ces trucs-là, par exemple. Putain, mais c'est pareil. C'est fou. Moi, voilà. J'imagine le clown de ça qui arrive comme ça par-dessous. Non. Tu veux dire Gripsou? Gripsou, bien sûr. Gripsou, le clown. C'est son nom en français. Il s'appelle Gripsou. Ouais. Ouais. Bah, il s'appelle Pennywise en anglais. Ils ont traduit ça par Gripsou en français. Alors pourquoi à votre avis tout le monde, enfin pourquoi il y avait les gens sont gênés de chier. Les gens disent aussi quand même il y a souvent un problème de propreté en fait. Oui. Souvent 55% des salariés interrogés trouvent en effet que les toilettes sur leur lieu de travail sont sales. 45% les jugent insuffisamment isolés du reste des locaux. 42% nauséabondes. 36% insuffisamment équipés en papier toilette. Et 17% pas assez sûr. Donc là, c'est vraiment une ambiance. Oula, quand tu sens que les toilettes sont pas assez sûres. Des mecs avec des blousons noirs et des couteaux. Des singes. Des gars de West Side Story. Alors, on fait caca. T'as pas le droit de faire caca sur mon territoire. Ici, t'es chez moi, Ronald. Calme-toi. Il chante, il faut une choré. On va aller pour l'Olympia. On note toutes ces idées là. Alors, vous le savez, dans le podcast, justement, on parle de singes. Les singes sont de dangereux agresseurs. Un Chinois en a eu marre de voir ses récoltes attaquées par des singes. Qu'a-t-il décidé de faire pour se déguiser en singe, j'imagine. Non. Toujours c'est malheureusement moins bien. Moins bon truc. Ouais, malheureusement moins bien. Est-ce qu'il a diffusé des cris d'un prédateur du singe? Non. Il non. a mis des mines anti-personnelles. Non. Il a tué ses. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Non, bien sûr, bien sûr. Est-ce, non, non. Est-ce qu'il en a massacré un pour faire l'exemple et il l'a pendu pour un truc comme ça, tu vois? Comme un drapeau. Crucifié. Oui, voilà, c'est ça. Il a mis un panneau interdit aux singes. Et les singes sont très polis. Ouais, ça, en fait, non, aucun problème. Non, c'est pas ça. Il a empoisonné des bananes. Il n'a pas empoisonné des bananes. Il a chié sur des bananes. Non, il a chié sur aucune banane. Truc de dessin animé, quoi. Il a peint un déguisé décor en banane et après il est sorti genre. Sur un mur, il a peint une route et le mec s'est pris le truc directement en pleine gueule. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais alors, tu disais quelque chose tout à l'heure, Adrien, que t'étais pas loin de un la vérité. De prédateur. Par rapport au prédateur. Est-ce qu'il s'est déguisé en prédateur de, en du singe? Alors, lui ne s'est pas déguisé en prédateur. En pas sur un tigre. Tigre. Ah, il a déguisé son chien. Pour, Il a déguisé son chien en tigre. Il a déguisé son chien en tigre. C'est ça? Ouais, alors. Alors, incroyable. Alors, tu vas pas trop adoré, Adrien, en vrai. Ah, parce qu'il l'a pas déguisé, il l'a peint en ah, tigre. Ah oui, il l'a tendu n'est pas... et tout. Non, non, il l'a pas tendu. Ah, ouais. Il a juste peint en tigre. Et le chien s'est fait massacrer. Hein. C'est ça qui me fait peur, en fait. Ça parce que pas le, un pauvre chien. Félindra a dit, mais c'est mon tigre. Elle s'est mariée avec. J'espère que c'est un gros chien, sinon c'est vraiment ridicule, quoi. Moi, j'imagine ma chienne. Je l'a pas en tigre, les singes font. Bah non. Non, c'est ridicule. C'est vraiment un chien. Non, non, le chien va très bien, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que dans l'article... Juste un grave du flow maintenant. Non, mais c'est juste que dans l'article, les gens disaient que si tu fais ça, malheureusement, le chien peut se lécher pour enlever et du coup prendre des substances pas ouf. Ah bah il a pas utilisé de la peinture safe pour les chiens? Je ne pense pas. Et en gros, il a juste mis des traces sur son espèce de labrador. Ouais. Et apparemment, ça fonctionne. Apparemment, putain. Les singes se sont dit, mais merde, il y a un tigre. Et donc, du coup, ils ne sont pas venus. Bah, 53% des singes pensent que c'est un tigre, les autres pensent que c'est un singe, un chien déguisé. D'après l'entreprise qui a fait le même sondage sur les chiottes. C'est vrai. Deux fois par jour, il amène son compagnon à quatre pattes dans ses champs de café et ses palmiers pour faire fuir les visiteurs indésirables. Et sa méthode semble porter ses fruits. En le voyant, les singes déguerpissent. Désormais, ils se retiennent même de venir dans mes champs, a-t-il déclaré à l'Asian News International. Du coup, d'autres villageois utilise le même stratagème. Donc il y a plein de chiens déguisés en tigres dans ce village maintenant. J'ai envie d'y aller du coup. Alors, non, pas envie d'y jeter un œil. Une américaine de 23 ans est tombée amoureuse d'un objet. Alors vous le savez, on a déjà parlé plein de fois dans le podcast. Il y a souvent des gens qui tombent amoureux d'objets. Mm. Alors là, c'est un objet un petit peu plus, disons, humanoïde, je dirais. Mais quand même bien chelou, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Une marionnette de Jeff Panaclock. Non, non, tu parles de Jean-Marc. De Jean-Marc, ouais. Un truc du musée Grévin, enfin, ou un truc en cire. Non. Non, non, c'est pas ça. Tu dis human. Ah, c'est un jouet, c'est une peluche? C'est pas un jouet, c'est pas une peluche. Poupée gonflable? Alors non, mais tu t'approches. C'est une poupée, un newborn, là. Enfin, les trucs, les faux bébés, là. Ah, ça, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ça fait très, très moi, j'étais addict aux vidéos de ça sur YouTube. C'est-à-dire? Bah, en fait. Sans vouloir. C'était il y a longtemps. Si ça t'a mis à avoir une hypnotiseuse, je vais en parler. C'est ce que j'allais dire. C'est clairement pour ça que t'allais la voir. Non, il y a plein de vidéos de gens qui montrent un peu comme les morning routines de youtubeuses, mais là, c'est avec leur faux bébé, quoi. Leur vie avec leur faux bébé. Et est-ce que c'est des c'est que des gens fait... qui ont perdu ouais c'est ça, je crois, qui ont fait des fausses couches, des trucs comme ça? Bah il y a plein de types, je crois, de profils, gens ouais il ouais, y a plein de profils, des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, ouais, des gens qui sont un peu en mode syndrome de Peter Pan, c'est un peu coincé dans l'enfance, ah, ouais, et qui ah, veulent oui, jouer à la maman, tu vois, ouais, d'accord, il y a un peu toutes sortes de gens, quoi. Bah, dis-toi que ça, tu t'approches un peu. Alors c'est pas une poupée newborn, c'est encore un peu plus chelou que ça. Un mannequin de... Enfin... Ouais, on s'approche. C'est une poupée, je peux vous le dire. Ah bah c'est une poupée, okay, bah c'est, d'accord. Mais une poupée particulière. C'est pas Jeff Panaclock, par exemple, c'est pas Jean-Marc. Ah, c'est un personnage connu? Non, pas un personnage connu. Une poupée connu, ou une... Genre, par exemple, comme une poupée Ken? Non, non, une poupée grande de, à peu près d'un mètre, tu vois. Qui représente... Enfin, qui est connue? Elle est pas connue, connue, mais qui représente quelque chose, effectivement. Un clown, tu t'approches. T'as dit quoi? J'ai dit un clown. Non, pas un singe. Non, un clown. Est-ce que c'est une poupée genre issue de la pop culture? Alors, pas à ma connaissance, et pourtant tu le sais. Je suis un pur geek. Donc vraiment, je le saurais. D'accord. Mais on est dans le. C'est pas précis, disons. C'est pas une peluche de. C'est pas Bart Simpson, quoi. Non, c'est pas Dark Vador, c'est pas ça. Mais on est dans des milieux de l'imaginaire. Dans des milieux de l'imaginaire, pardon. Genre une fée. Non, pas. Troll, pas loin, ouais, écoute, je vais te l'accorder. Un orc. Je vais vous l'accorder. Non, non, c'est un zombie. Une poupée, d'accord, zombie. Aux États-Unis, une jeune femme a décidé de se bâtir une famille pas comme les autres. Elle vit avec sa femme, son fiancé et ses 6 enfants qui sont tous des poupées zombies. Félicie Rossi est une jeune femme de 23 ans qui vit. Attends, comment elle s'appelle? Félicity Rossi. Ah, Félicity. Non, pas Félicity aussi. Oui, qui est une chanson, oui, bien sûr. Ah, lui, le d'Olive Puget. T'as l'air d'elle ? Ouais. Bah, comment allez-vous ? Il est parti. Ah, il est parti ? Ah, merde, j'avais pas de questions. Non, sur son feat avec Michel Bougenin. Tu te souviens pas ? Hein, c'était fou, il y avait donc Fernandel, aka donc Camillo. Le mot feat avec Fernandel. Feat Michel Bougenin peut être aussi le titre, attention. Il faisait les pubs de l'huile d'Olive Puget. Et à la manière du multiverse, il y avait un moment où il rencontrait Michel Bougenin. Dans une des pubs. Mais donc t'avais Michel Bougenin. Quoi faire ? Bah parce que c'est rapport. Je sais pas, mais Michel Bougenin et Fernandel discutaient d'huile d'olive. Et c'était top. C'était un des meilleurs. Mais c'était après, oui, après la mort de Fernandel. Ah bah de toute façon, l'huile d'olive Puget c'était bien après. Oui, c'était, il le mettait en 3D. En deepfake. Ouais, l'hôtel du temps, quoi. Ouais, c'est ça. On est en plein dedans. Donc Félicie Rossi est une jeune femme de 23 ans. Et donc avec plein de poupées zombies, elle a vu une poupée zombie qu'elle a décidé d'acheter en 2018 et dont elle est tombée amoureuse. La jeune femme a alors décidé d'épouser cette poupée, qu'elle a nommée Kelly, et qu'elle considère comme son âme sœur. Selon Felicity, cette poupée serait âgée de 39 ans, donc beaucoup plus vieille qu'elle. Alors je vous montre un peu la petite famille. Voilà. Donc elle vit avec plein de mannequins zombies. Donc ouais. Bon, une petite ambiance, du coup. Ouais. Ma famille est impliquée dans mes vies quotidiennes. Je leur chante des chansons, je cuisine avec elles, je mange avec elles et je les sors prendre l'air une par une. Alors le journaliste lui pose la question, mais c'est peut-être un peu étrange comme façon de vivre. Êtes-vous ma boule ? Une question qui me vient comme ça. Qui vient en trois. Hein, j'en ai deux avant. Beaucoup de gens pensent que je suis étrange, délirante et peut-être même diabolique parce que j'aime les poupées horrifiques. Ils ne comprennent pas comment je peux communiquer avec elles, mais je peux le faire à travers les rêves et je peux les sentir communiquer avec moi. Donc voilà, une petite histoire de film d'horreur, je pense. Qu'on pourrait adapter, il y en a beaucoup. Hein. Un et peu vraiment... tiré par les cheveux, cette histoire. Et toutes les photos sont vraiment très attends, flippantes. Attends, mais là, à côté d'elle, c'est un gars. C'est un fantôme. Non, c'est un vous le voyez aussi, le mec en bleu, là. Non, mais là, c'est un vrai gars qui est déguisé, là. Et puis là, c'est Fernandel, surtout. Non. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah, ouais. J'ai rencontré Robert pour la première fois lorsque je l'ai vu en ligne, tout comme ma femme Kelly. J'ai réalisé que c'était de l'amour. Ah, donc c'est bien une femme, attends, ouais, c'est sa femme. Kelly, c'est une poupée ou c'est une vraie personne ? Non, c'est une poupée. Mais donc c'est une poupée femme. Oui, c'est une poupée femme. D'accord, mais elle dit que maintenant Robert est son fiancé. Ils sont en couple. Bah ouais. Ah oui, c'est ça. Pardon, c'est ça, excuse-moi. Félicie entretient une relation polyamoureuse avec Robert, une autre poupée zombie. Selon la jeune femme, Robert, est âgée de 24 ans, un peu plus jeune Robert. D'accord, ok. Voilà. Non, mais c'est dur à suivre, mais il y a quoi. Ils ont le même âge, mais Kelly a 39 ans. Elle a 39 ans, et ils sont polyamoureux, mais quand même, ils ont deux enfants, comme quoi, tu vois. Après, 39 ans, c'est-à-dire qu'elle est zombie, donc. Oui, elle est déjà décédée. Je crois que j'ai rien compris en fait. Il y a qu'une seule vraie personne. Oui, il y a qu'une seule. Il y en a deux. Ah non, il y en a qu'une seule. Mais ah non, oui, mais si. On comprend pas. Attends, remonte la femme. Mais c'est un régal. Mais non, c'est un zombie. Mais non. Mais si, c'est un zombie. Mais pas du. Non, non. On voit que c'est faux. Mais c'est un fake. Non, enfin, c'est un fake, c'est une poupée. Mais non, je suis pas sûr. C'est une poupée. Écoutez, qu'est-ce qu'elle doit baiser, bordel. Il y a le bol qu'elle a. Je me demande si elle a eu des places en crèche. Ouais. C'est une galère, ils sont revenus avec la varicelle là, de la crèche. C'est variole du singe, mon pote. Les gens sont parfois horribles avec moi sur internet, mais j'aimerais vraiment qu'ils prennent le temps de comprendre l'amour que je ressens pour ma famille, a conclu l'américaine. Une petite ambiance. Ouais. Elle est pas obligée d'exposer ses horreurs sur internet. Un peu de respect pour nous quand même. Faut pas mettre des photos de ses enfants sur internet. Je suis d'accord, faut les garder pour soi. Ouais. Alors quand c'est des zombies, ou tu mets plus. Un smiley alors dessus. Ta poupée zombie. Pour pas qu'elle subisse le harcèlement scolaire après. Parce que déjà, quand t'as un bébé zombie, bah ouais. Tu te fais vraiment harceler. Donc là, c'est en plus. C'était différent à l'école, dans la cour. Faut laisser le temps aux gens. Mais je me demande à quel point elle pousse le truc. Est-ce que justement elle va essayer de les scolariser et tout. Ou alors quand même, c'est un truc plus. Juste bah, à ça pas. À la maison et ça mais lui non, fait pas quoi. Ils ont 34 ans les poupées zombies. Oui, bah non, oui, sa enfants, femme ils... a 39 ah, ans. Oui, mais cela dit, est-ce qu'elle l'emmène au resto, au ciné, truc de couple quoi. Est-ce qu'ils regardent Masked Singer, ils font des pronostics sur qui est caché derrière l'aigle. Enfin, les soirées couple basiques pour moi. Ils regardent Walking Dead et font ah putain, c'est toujours les mêmes, c'est jamais de notre côté, putain. Et allez, c'est qui les méchants, c'est les mêmes, putain. Nancy Crampton Brophy a tué son conjoint et le procès n'a pas duré longtemps. À votre avis, pourquoi ? C'est lié au métier de la coupable. Behind the breakthrough innovation, biotech is known for real people. People driven by passion, perseverance and ingenuity. I am Alberto Grignolo and host of Clinical Trailblazers, a podcast from Parexel Biotech, where science meets human stories. In each episode, I sit down with biotech visionaries to hear about the decisions, risks, and accomplishments driving the future of scientific innovation. Subscribe now to Clinical Trial Blazers, wherever you get your podcasts. Elle est tueuse à gages. Non, non, non. Non. Elle est avocate. Non, elle n'est pas avocate. Attends, en gros, son métier l'a incriminée directement. Elle a même condamné. Ah, ok. Ouais. Et tu... Elle est juge, elle s'est jugée elle-même. Non, elle a dit non, je non. mérite, non. Vous savez quoi, vous savez quoi pour moi. Ah, ouais. Est-ce qu'elle est genre streameuse et elle l'a tuée en live Non, non, non, non, quelle horreur. Ouais, mais... Une porte qui s'ouvre. C'est le début de thriller. Attends, donc ça l'a condamné son métier. Donc ça veut dire qu'elle a, y a eu. Non, ça l'a pas condamnée. Elle l'a tuée dans le sens où elle était genre pilote d'avion. Et non, non, non, non, non. Elle l'a assassinée. Mais ça, genre son métier fait que ça a apporté une preuve inéluctable. Ou en ça, tout cas, ou ça a vraiment joué en sa défaveur. D'accord, donc c'est pas. Je vois Camille, tu l'as peut-être. Hein. Non, non, bah non, parce que je pensais qu'elle avait fait genre l'injection létale et qu'elle était. Ah non, non, non, non, non, non, non, elle l'a vraiment assassinée comme une véritable meurtrière. Mais du coup, je ne parle pas de la petite fenêtre. Enfin, je vois pas comment ça peut jouer en sa défaveur quand t'as tué quelqu'un de base, t'es déjà pas hyper bien. Non, mais c'est-à-dire que. En gros, les gens ont dit oh bah avec son métier, c'est sûr que c'est elle. En gros, c'est exactement. Ça, ah, les bouchers. Est... Non, quand non, même, c'est pas ça. Un abattoir. C'est quand même sauté au conclu. Enfin, je vais pas la réponse, mec. Non, tu vas voir, tu vas voir. Parce qu'en fait, quand je dis son métier, donc c'est plus précis que ça. Mais bon. Si on trouve la façon dont elle l'a tué, ça peut nous aider. Non, non, non, je vais vous donner une voix, c'est un métier un peu artistique. Elle est chanteuse de death metal. Non, mais tu vois, tu t'approches quelque part. Mais elle est pas chanteuse. Elle est dominatrix genre et le mec il a été étranglé. Non, non, non. Du coup ils ont dit tu l'as étranglé pour qui bande plutôt pour le tuer je pense. Je crois bien. Non, c'est pas ça. C'est un vrai métier ou c'est un hobby? Ouais, métier artistique, métier fait par des gens autour de la table. Elle est actrice. Elle est autrice. Non. Ah mais si, elle est autrice de. Elle a écrit un livre où c'est genre je vais tuer mon mari. Ah, c'est pas ça, genre. Elle a écrit le livre Comment tuer son mari et elle a tué derrière son mari. La romancière de 71 ans a été jugée coupable du meurtre de son mari. C'est trop drôle. C'est l'inverse de O.J. Simpson. Non mais O.J. Simpson, il a. Bon bah, il était accusé d'avoir tué. Bien sûr. J'ai oublié le nom de cette meuf. Mais il a été. Non mais il a été acquitté et après il a écrit un livre. C'était, je crois que ça s'appelle If I Had Done It. Ouais. Et ça raconte comment je l'aurais tué si j'avais été coupable. Et ça décrit le meurtre de la meuf, mais. Que soi-disant il a pas commis. Ouais. Mais enfin, horrible quoi. L'écrivaine, elle est spécialisée dans les romans sentimentaux au titre aussi évocateur que L'enfer au cœur ou Le mauvais mari. Et elle a écrit entre autres Le déteste. Quel sac à merde. Il me casse les couilles. Je viens d'acheter un couteau. Cette grosse merde qui mâche la bouche ouverte à table pendant que j'essaie de regarder la télé. Wow, il a le syndrome du fiche. T'es sûr que ça parle pas de moi tes bouquins? Non, non, t'inquiète. Le dernier cas, c'est je viens d'acheter à Leroy Merlin de la chaux et une pelle. Non, tous les bouquins parlent de lui. Non, ça parle pas. Il s'appelle Philippe avec sa tache de naissance sur la cuisse. Non, mais attends, là, c'est incroyable. Le hasard est dingue quand même. C'est une coïncidence, je jure. Mais sur la photo, c'est sur la couverture, c'est mon visage. Ouais, c'est vrai. Après, couteau dans le ventre et tout. Non, mais là, on va pas me dire que là. Ouais. Donc voilà, en gros, elle a écrit un bouquin comme ça, et au final, mais elle va quand même faire appel, parce qu'elle dit non, non, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment jamais. Mais ça se trouve. Mais oui. Ça se trouve, c'est pas elle, quoi. Et là, ce serait fou. Non, mais ce serait malin pour un autre gars d'aller le tuer. Il a fait ce truc-là, c'est bien le bon mec à tuer, on va l'accuser direct. Ouais, ça aurait pu être un lecteur, en fait. En gros, il y a des images de vidéos de surveillance quand même. Ah oui. Non, mais pas de elle qui le tue. S'il y avait des images du public. Il y a eu quelques stories, bon. En selfie. Pour la bielle, elle fait c'est moi. Non, non, en gros, elle assure que les images de vidéosurveillance pardon, où elle apparaît près de la scène de crime la montrent tout simplement en train de chercher de l'inspiration pour ses livres. Quant à un pistolet manquant, qui est l'arme du crime selon les policiers, elle jure l'avoir acheté par souci de réalisme comme accessoire pour l'écriture d'un livre. Elle rejette également l'accusation selon laquelle elle aurait tué son mari pour empocher des centaines de milliers de dollars d'assurance vie. Les avocats de cette femme de 71 ans ont indiqué leur intention de faire appel, selon le journal local The Oregonian. Selon les procureurs, Nancy Crampton Brophy avait des problèmes financiers quand elle a tué son mari de 2 balles dans le cœur en juin 2018 dans l'école de cuisine où il officiait. Elle va faire appel comme David Michigan. Chut. Une Suissesse a été condamnée à verser 1 200 € d'amende à sa voisine. Je bafouille beaucoup aujourd'hui, je suis désolé. Laurent bafouille d'ailleurs, qui est dans le 17e, il est candidat. Elle pensait pourtant bien faire. Et d'ailleurs, vous trouverez tous ici qu'elle faisait bien, je pense. À votre avis, que faisait-elle? Alors, elle faisait un truc. Elle faisait un truc. Elle croyait bien faire et sa voisine a dit non. 1 200 € d'amende. Okay. Voilà, c'est ça. J'adore déjà, je sais pas pourquoi. Ça, si, tu vas voir, tu vas adorer. Elle s'entraînait à faire de la musique et du coup, c'était tapage nocturne. Non, elle jouait non, super bien. Non, en fait, non, elle, non, elle faisait un truc, mais c'était directement lié à sa voisine. Genre, j'en sais rien. Tailler un arbre. Elle, et, ouais. Elle, oui, elle nettoyait sa porte. Ou, elle triait mal ses déchets. Enfin, c'est pas tailler un arbre, mais c'est, en gros, c'est exactement ça. D'accord. Elle faisait un truc plutôt positif et la voisine n'a pas aimé. Elle déneigeait. Non, elle déneigeait pas. Un truc d'entretien, genre. Genre nettoyer quelque chose. Pas, de ou... pas, un truc de, pas un truc d'entretien. Elle lui prenait son courrier. Ah ouais, pour c'est lui dire, colis, ouais. Non, non. Est-ce que ça a un rapport avec un animal de compagnie? Genre, elle faisait des trucs avec son chien, elle nourrissait son chien. Ou une elle faisait brûler de l'encens. Très bonne réponse de Babor. Ah, elle le nourrissait... chien devenu obèse? Non, elle nourrissait son... le chat de la voisine, ah, tout simplement. Être l'ami des bêtes peut parfois mal tourner, nous dit Westfrance.fr. Une Suissesse qui réside dans le canton de Zurich en a fait les frais. L'affaire dure depuis près de 2 ans. Peut-être des Suisses s'ennuient un peu parfois. Ouais. Son tort, avoir fait entrer chez elle le chat d'une voisine et l'avoir nourri à plusieurs reprises pendant environ 5 mois. Pas de quoi fouetter un chat, Westfrance. Ils sont coquins, mais ils sont coquins. Alors ils vont même jusqu'en Suisse maintenant, Westfrance. Ils sont vraiment galères. C'est le, de... ouais, là, c'est la. C'est West francophonie. Ouais, c'est ça. Sauf que cette étude n'a pas plu à la propriétaire septuagénaire du félin, prénommé Michi. Je suis un peu de son côté, j'avoue. Une tentative de médiation a dans un premier temps été tentée, appuyée par des courriers d'habitants du quartier et du vétérinaire du canton en faveur de la propriétaire. Sans succès, faute d'accord à l'amiable trouvé entre les deux femmes, la maîtresse officielle du matou a décidé de porter l'affaire au tribunal. La machine judiciaire s'est enclenchée en mars 2020 et devrait connaître son épilogue cette semaine. Il y a un docu Netflix hein, qui va. Qui ne meurt d'or. Justice 3. Pour Michi. En décembre 2020, la justice lui a d'abord donné raison et a condamné sa voisine à une amende de 700 francs suisses et au paiement des frais de procédure s'élevant à 500 francs suisses. Selon l'ordonnance pénale relayée par le journal Helvète, en agissant de la sorte, l'accusé enfermait littéralement le chat, car celui-ci ne pouvait sortir que si elle lui ouvrait la porte. Donc en gros, elle lui a dit, c'est pas que tu nourris mon chat, c'est que tu l'enfermes ouais, chez non, toi. Non, mais moi, je suis avec la vieille. Hein. Autrement dit, pour le tribunal, elle cherchait à établir une relation avec l'animal afin de se l'approprier. Oui, une classique. Pratique interdite par la loi suisse. Voilà, elle va peut-être un peu loin, mais c'est... Moi, mais en vrai, moi, j'aime pas qu'on nourrisse mon chien. Tu sais, il y a des gens, des fois, des fois, il y a des gens qui filent à bouffer au chien... Du chocolat en plus, donc vraiment pas. Et c'est un chat avec une moustache. On se le tuer en fait. Non, mais c'est... des fois il y a des gens, si c'est d'autres propriétaires de chiens par exemple qui ont des croquettes sur eux et qui les filent et tout. Et, j'aime pas qu'on file à bouffer des trucs à mon chien. En fait, tu sais pas si le chien il est allergique à un truc ou quoi, donc lui file pas à bouffer quoi. Ouais, moi dans le même genre, alors c'est pas un chien, c'est mon enfant, mais, mais c'est un peu ton enfant. C'est mon enfant, je suis extrêmement seul. Non, mais j'étais, je me baladais. J'ai une bonne poupée zombie. Si très affectueuse. Je me baladais avec elle et sur l'avenue, j'imagine. C'était une avenue, j'avais le cœur ouvert à demi nu, mais et en gros, il y a une vieille dame qui vraiment, elle nous dépasse et elle voit le du Red Bull. Hein? Elle lui a donné du Red Bull. Non mais elle lui a fait, oh elle est jolie, bon ce qui arrive beaucoup en ce moment, hein. Oh elle est jolie et elle lui a caressé la joue et elle est repartie. J'ai détesté. J'étais genre, mais d'où, dans plein Covid, toucher un enfant alors ouais, que t'es une vieille et tout, ça m'a alors dégoûté. Non, ça m'a rendu. Comme si les vieilles. Si. J'ai lu une étude sur Facebook. Il y a un truc très bizarre de. Ouais, j'ai pas aimé qu'elle touche mon enfant, quoi. Moi, il y a une vieille qui a embrassé ma chienne et elle lui a mis une marque de. Ma chienne est blanche. Elle avait la trace du rouge à lèvres. Quelle horreur. Dégueulasse. Vous pourriez pas, si vous aviez des animaux, vous comprenez la voisine? Moi ça me choque pas, tu vois, chez mes parents il y a des chats qui viennent jusque à l'intérieur de la maison et après on est obligé de les chasser mais Oui mais c'est des chats errants. Oui, mais tu non, c'est les chats des voisins, tu vois, mais bon, on n'est pas c'est la bonne franquette, j'ai l'impression. Ouais, c'est la bonne franquette. Ouais, après c'est la campagne hein. À Paris les gens sont très à Paris il y a personne qui sourit de toute façon. Voilà, dans le métro ils font la gueule les gens. Ils font la gueule dans le métro il y a 20 ans, les gens ils parlaient, ils discutaient. C'était le pub à l'époque, le métro, et maintenant ils sont sur les portes. Téléphone, voilà, bien sûr. Attends, mais c'est avec Baffy, ça a changé. Que des animaux dans le métro, donc sur la ligne 8, un canard qui conduit le métro, un gibbon sur la ligne 13, des contrôleurs, tout simplement des orang-outans. Bah oui, évidemment, ça commence à me plaire. Il a mon vote. Non, toi Camille, pas du tout. Si, moi j'ai des potes qui ont des chats et ça, quand ils disparaissent quelques jours, c'est juste il y a quelqu'un qui l'enferme, quoi. Et ça arrivait plusieurs fois à une pote qui revenait sans collier, le chat. Donc quelqu'un enlevait le collier et voulait garder. Enfin, il y avait vraiment une volonté de garder le chat. Moi, je tue la personne. Oui, oui. J'ai j'écris d'abord comment tuer la personne. Je le fais éditer et après je tue la personne. C'est trop bizarre de faire ça parce que des chiens, il y en a des milliers quoi, des qui ont besoin de famille. Donc trop bizarre de ça pouvait tuer de quelqu'un qui en a déjà une quoi. C'est trop bizarre. Mais de ouf. Mais nous, moi, tu parlais de la campagne, moi, les gens, ils butaient les chats, c'était horrible. Ah oui. Ils mettaient de la mort aux rats dans des trucs et tout pour les. Oui, pour mais les même buter. Les chasseurs, ils butent les chats. Hein. Dans le Loir-et-Cher, ils butent les chats. D'ailleurs, c'est dans la chanson de Delpech. Ouais. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, on bute des chats tout le week-end. Non, mais attends. On dirait que ça te gêne d'étrangler un chat. Ce truc de mort aux rats, c'est avéré ou parce que c'est quand même une légende urbaine? Non, mec, deux chats. Enfin, nous, il y a deux chats qu'on a retrouvé crevé au même endroit près de chez le voisin, okay. Des chats qui étaient en bonne santé et tout. Parce que ça c'est aussi une légende urbaine qui l'empoisonneuse de chats. Non mais de chiens aussi genre régulièrement parce que moi je suis quand même sur le groupe WhatsApp des toutous de mon quartier. Cata, vraiment, ça n'a aucun intérêt à peu près. Et pas mal de gens qui relayent ce genre de trucs. Genre, attention, dans le parc, il y a des gens qui ils donnent des miettes de pain avec du poison dedans. Et non, nous on savait, c'était le voisin. Il y a deux ans, il y a eu la même chose dans le 15e, c'est des conneries quoi. Nous, c'était le voisin qui clairement aimait pas que le chat, parce que tu sais, après c'est la campagne, c'est après ça chie dans mes géraniums. Enfin, tu vois, et donc du coup, alors qu'il suffisait le tuer immédiatement. Déguiser son chien en tigre. Le chat, il fait, mon dieu, c'est moi en énorme. Qu'est-ce qui se passe? Une étude a découvert quelque chose sur les dauphins et leur façon de sociabiliser. À votre avis, qu'avons-nous appris? Ils font des imitations. Non, ils font salut, c'est Tim Sitt. Comme Gérald. Ils s'aplatissent la nageoire. Ils s'aplatissent la nageoire. Et ils disent, je suis un phoque. Ils la mettent en avant. Bah, ça y est, je suis un requin. Oh là là. Non, c'est pas ça. Je l'ai vu passer ce truc, mais je m'en souviens plus. En plus, tu te documentes. Ah bien sûr. Ah, la faute chose que de se violer. Moi je suis une TikTok non, girl personnellement. Pervers. Non mais c'était ça toi. Je suis une TikTok girl. Ouais, bien sûr. Avec l'accent anglais, c'est ça. Avec l'accent américain, il faut le dire. TikTok girl. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour sociabiliser entre eux ou avec les humains des aquariums. Ah, c'est pas oui, parce que moi j'ai vu des vidéos une vidéo de quelqu'un qui avait perdu son iPhone dans l'eau et le dauphin lui ramenait son iPhone. C'est de la connerie, tu le sais ça. Je sais pas. Bon, allez. Toi qui es aussi dubitatif sur ce que le web nous propose, toi qui es anti-vax, non mais je voudrais dire que les mecs auraient dressé un. Non, dauphin. Mais c'est un faux iPhone, il y a du saumon dedans ou je sais pas. Mais pourquoi ils le ramènent aux gens? Mais je sais, mais non, mais. Il y a eu une vidéo de saumon sur YouTube. Non, mais je veux dire, dans les trucs genre Marineland, Antibes ou le parc Astérix, ils leur apprennent des conneries. Oui, mais ils les dressent. Oui. C'est peut-être un dauphin dressé. Peut-être. Tout simplement. Un dauphin dressé, et genre il ramène des trucs. Il y a bien des chiens d'aveugle, pourquoi pas des dauphins ramasseurs d'iPhone. Ouais, je vous rappelle que c'est l'animal le plus intelligent du monde. Le dauphin? Ouais. Ah ouais. En plus, c'est des violeurs. Je l'ai lu dans un. Dans une chanson. Red Sad, ouais, je l'ai lu. C'est pour sociabiliser, enfin pour se faire des amis, pour reconnaître leurs amis même, pour être tout à fait transparent avec vous. Est-ce qu'ils font des blagues? Non. Genre quoi? Des blagues de dauphins? Non, mais je sais pas. Je sais pas, ils pourraient se cacher, faire des trucs. Faire coucou, c'est moi. Je sais pas. Parce que les animaux font pas des blagues, j'en sais rien. On n'en sait rien. Les singes font des blagues puisqu'ils se mettent le doigt dans le trou du cul, le font sentir et l'autre tombe en arrière, mort de rire. Non, il sent son propre doigt et tombe en arrière. Ah oui, c'est ça, pardon. J'adore cette vidéo, elle est trop bien. C'est pour moi la meilleure vidéo d'internet. Il n'y a rien eu de mieux depuis. Si, il y a l'ours qui fait coucou. Ah non, j'ai pas vu. Elle est très bien. Pour le coup, ça c'est des ours qui sont dressés. Ah bon? Bah ouais. Aïe, aïe. Donc tu cautionnes. De toute façon, je rappelle que 99% des vidéos d'animaux qui font des trucs marrants sont des animaux qui sont clairement maltraités sans vouloir foutre une ambiance de merde. Non, mais t'es Laurent Baffy. Je me sens mal. On y revient. Non, mais c'est vrai que souvent c'est comme l'éléphant. Justement, parce que t'es là. Tu connais ça, toi? L'éléphant qui fait une peinture là, qui peint, bah clairement, voilà. Ils ont mis des bons coups de fouet jusqu'à ce qu'il fasse. L'éléphant qui mange sa merde, je sais pas s'il était dressé pour ça. Vraiment, je pense que l'éléphant il a fait. Mais non, mais je le fais, c'est bon, c'est pas la peine de. Ne frappez pas, je la mange, de toute façon, c'est bon. Avec grand plaisir, je la mange. L'hippopotame qui chie de ouf là, tu sais. En mitraillette. Non, ça, c'est vraiment bien. En tout cas, s'il était dressé, le gars est un génie. C'est vrai que là. 25 ans, ma famille. 25 ans pour arriver à ce résultat. Avant, une petite merde, ils faisaient juste une petite merde. Maintenant, une mitraillette, vous entendez? Non, mais tu t'as déjà vu ça? Tu sais, ils agitent leur queue comme ça. Et la queue, elle tourne, ouais. Ça, c'est incroyable. Et tout le monde rigole autour. Yes! Il est génial! C'est ce qui fait que je crois encore à l'humanité. Ouais, c'est qu'on arrive encore à s'assembler autour de. Mais ce serait trop drôle d'apprendre que tu sais, t'as tous les spécialistes des hippopotames, les scientifiques qui ont vu la vidéo, qui ont fait. Mais ils font pas du tout ça, non? Genre, c'est vraiment un hippopotame qui a été dressé. Donc non, les dauphins pour être leurs amis. Non, t'inquiète. Ils sont des amis. Moi je crois que j'ai rien compris à la question. En gros, vas-y. En gros, les dauphins font un truc pour se faire des amis. Des amis dauphins. Des amis dauphins, c'est ça? C'est ça, exactement. Ils font un truc. Bah, un truc dégueu, quoi. Ils chient. Oui, non. Ils leur pissent dessus. Ah, ils violent, ils violent. Non, non, non. Viol, chiasse, ils font mal, on ils rappelle percutent. Que c'est vraiment pas la meilleure façon de se faire des amis. Non, non. Et ça concerne vraiment les dauphins. Mais Clément, il y a un Babor. Oh là, j'ai dit le vrai nom, oh mon dieu. Babor a raison. Tu peux m'appeler. Pour moi, t'es Clément Berru. Il guillemets son nom de famille dans la vidéo. Exactement. Mais ça rapporte la tête. Non, non, t'as trouvé. C'est grâce à la pisse. Ah, c'était juste ça. Ça fait un quart d'heure que l'info est sortie. C'est grâce à la pisse. C'est un bon titre. C'est un très bon titre d'épisode. C'est grâce à la pisse. C'est grâce à la pisse. C'est grâce à la pisse. Je me suis fait des potes. Je suis un dauphin. Salut, c'est Tim. C'est moi. Non, alors. Pas forcément. Alors c'est pas que grâce à la pisse, c'est grâce au goût de leur urine. Ah. Ils leur pissent dans la bouche. Non, bah, c'est dans l'eau, hein, ça reste des dauphins. Ouais. Des scientifiques ont découvert que les dauphins à gros nez pouvaient se reconnaître entre eux grâce au goût. Revenir sur lesquels dauphins? Les dauphins à gros nez. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est une variété de dauphins. Bah, visiblement. Les dauphins à gros nez. Sur vice.com, oui. C'est pas n'importe quel dauphin qui est sensible à l'urine, c'est les dauphins à gros nez. Oui, dauphins à gros nez pour bien sentir. Non, mais ne mélangeons pas tout. C'est vraiment les dauphins à gros nez. Pouvaient se reconnaître entre eux grâce au goût, plus précisément là, au goût de leur urine. Les chercheurs ont fait cette découverte alors qu'ils essayaient d'en savoir plus sur les sifflements signatures des dauphins et des appels spécifiques qu'ils développent pour s'identifier. En gros, les dauphins inventent leur propre nom avec ces petits cris. Les chercheurs ne savent pas si ce système... ils auraient peut-être choisi autre chose que dauphin grogné s'ils inventent leur propre nom. Bon bref, ils ont mis l'urine dans une petite tasse au bout d'une très longue perche et l'ont versée devant un dauphin tout en imitant... C'est pas vrai ça. C'est quoi ces scientifiques? Les scientifiques. La méthode. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, mettre ça dans une petite tasse. Ah mais on pourrait... Après enfin, comment on l'amène? Bah on met la tasse au bout d'une perche. Ça me semble être la méthode scientifique la plus valide. Faisons ça. On a, elle s'élève à combien notre bourse? C'est 30 balles. Bon bah, on n'aura pas mieux. Ah, t'as un mug ou? Ouais, j'en ai un, je peux ramener. C'est une petite tasse que j'ai, hein. C'est un truc à expresso, ouais. Mais... Espresso, pardon. Non mais. Pardon, en gros, je suis perdu. Ils ont fait ce test et en vrai, ça fonctionne vachement bien. Donc attends, ils ont mis une tasse avec de l'urine de dauphin, ils l'ont foutu sous le nez. En gros, les scientifiques se sont souvenus d'anecdotes de dauphins nageant à travers des panaches d'excrétion, aussi connus sous le nom de pisse pour le commun des mortels. Avec leur bouche ouverte, les dauphins ne peuvent pas sentir car ils n'ont pas de bulbe olfactif. Les chercheurs ont donc imaginé qu'ils devaient utiliser le goût de l'urine pour obtenir des informations sur son propriétaire. Après avoir recueilli des échantillons de dauphins dans des lagons des Bermudes et d'Hawaï, ils ont mis l'urine donc dans une petite tasse au bout d'une très longue perche et l'ont versée devant un dauphin tout en imitant le sifflement d'un autre dauphin. Les chercheurs ont mesuré combien de temps les dauphins ont échantillonné le pipi en ouvrant la bouche et en passant la langue dans l'eau. Et si les réponses des dauphins changeaient lorsque le pipi provenait d'un dauphin familier ou non. Verdict ! Les dauphins gardent la bouche ouverte plus longtemps lorsqu'ils rencontreraient l'urine d'un individu qui leur était familier. Comme quoi, nous ne sommes pas si différents. C'est un peu cruel parce que le dauphin il se dit ah, un pote, en fait, un connard avec une belle vieux mug. Genre, je suis le boss. Vraiment, je pleure d'imaginer le scientifique qui a soutenu. Qui a présenté son truc, qui a dit du coup on a mis en fait on a pris du pipi dans une tasse et tu sais t'as vraiment un panel de 50 scientifiques devant lui et tout qui le juge, il fait et du coup on a versé devant le dauphin et après on voit bah quand c'est un dauphin qui est copain avec eux il mange, il boit plus de pipi quoi. D'accord et du coup pourquoi faire mais ça concerne tous les dauphins au moins ceux qui ont un gros nez seulement. Ah bah c'est très précis. Mais cela dit, t'imagines quand il a trouvé ça, il fait, vous êtes tous foutus de ma gueule avec ma tasse pleine de pisse. Et ben je sais comment les dauphins vous se reconnaissent. J'avais raison, on m'a rionné. Je me demande comment ils collectent la pisse. Comment tu fais pisser un dauphin dans une tasse? Tu chopes, fais pisse, on te relâche. T'as du mal à respirer, pisse mon gars. Allez, c'est dans l'eau, ça mélange avec d'autres trucs. C'est peut-être en fait qu'il les, je sais pas, peut-être qu'il prélève la pisse avec une seringue. Déjà, à quoi ressemble le pénis d'un dauphin? Attends, je googlise pénis d'un dauphin. Ah, je suis sûr que c'est horrible. Ouais, ça doit être un délire comme les canards. Je sais pas si vous avez déjà vu une bite de canard. Ah, c'est atroce. Ah oui, c'est atroce. Ah, c'est la plus longue bite. C'est hyper long et c'est en tire-bouchon. Bah là, c'est très long la bite d'un dauphin, apparemment. Ouais. Ah, mais c'est affreux, c'est un cauchemar. C'est une bite de chien, mais très pointu. C'est un narval le truc. Ça monte jusqu'à sa gorge. C'est très étrange. Bah, c'est pas comme ça normalement. Clément la grosse bite là. Brakmar. Des slips pour dauphin. Donc pardon, j'ai pas terminé comment fonctionnait on a tellement de questions. Lorsque les chantiers de Join correspondaient également au sifflement caractéristique du dauphin dont il provenait, les dauphins restaient plus longtemps autour du haut-parleur sous-marin que lorsque le son et le pipi ne correspondaient pas. Quand c'était Gérald Daon qui imitait un dauphin. Salut, c'est un dauphin. C'était la piste de Gérald Daon. Ils en trouveraient la bouche, mais ils disaient, pas du tout un dauphin gonné, c'est Gérald Daon. C'est Gérald Daon. Les scientifiques ont donc conclu que les dauphins peuvent reconnaître leurs congénères par le seul biais du goût, ce qui n'est le cas d'aucun autre vertébré. Donc du coup, il y a une vraie. Voilà. Bah oui, mais en même temps. Oui. Mais c'est en même temps, découverte. Ils ont pas d'odorat, donc. Oui. Parce que les chiens, ils reniflent la piste des chiens tout le temps. Bien sûr. S'ils n'avaient pas d'odorat, ils peut-être qu'ils goûteraient. Ouais, bien sûr. C'est une découverte importante, ajouté Bruck. Non. Ça, je pense qu'il l'a dit en présentant son truc, les gens ont fait. Non. Laila Sayig, biologiste maritime, n'a pas participé à l'étude, mais a confié à National Geographic que ses résultats ouvrent la voie à d'autres questions sur ce que les traces d'urine pourraient permettre d'apprendre à propos des mammifères marins. Il existe de nombreuses pistes intéressantes pour les recherches futures. Et pour continuer de creuser, l'équipe scientifique n'a clairement pas fini de verser du pipi sur les dauphins. Attends, ça c'est dans l'article ça. Ouais, c'est Vice. Moi, tu sais, ils sont un peu coquins. Oui, ils sont un peu edgy. Ils sont très edgy. Très edgy, je trouve. Bah, c'est un peu de la maltraitance quand même. Ouais, oui. Après, c'est dans la flotte. Hein. Ouais. Non, la mer, c'est dégueulasse. Je vous rappelle que les poissons baissent dedans. Donc, les auditeurs ont des questions à vous poser, parce que je leur ai dit que vous étiez invités. Alors, ils ont forcément des questions à vous poser. La première, elle vous concerne tous les deux, Camille et Clément. Sur notre sextape, je pense. Ouais. Non, alors justement, ça n'a pas été posé. Non, les gens demandent comment est né le projet Immobuzz. Alors, c'est assez absurde. En fait, c'est une vraie émission télé qui passe sur TMC. C'est ça que j'aimerais que tu nous racontes. Très tôt le matin. Ce n'est pas que des trucs sur YouTube. Bah, nous, si. Ouais. Immobuzz, oui. Ah, okay. En fait, c'est une vraie émission télé qui s'appelle Proprio à tout prix, qui existe et qui passe sur TMC. Je crois que c'est deux fois par semaine. C'est assez tôt le matin. Genre c'est assez tôt. C'est très tôt. Et alors, c'est marrant parce que le modèle économique de l'émission, c'est que c'est des émissions en mode téléachat qui, du coup, ne sont pas payées pour être à l'antenne. Elles se financent sur les ventes d'appartements qu'elles font. D'accord. Au cours de l'émission. C'est comme ça que vit Immobuzz. Pour le moment. Et du coup, Bruno, qu'on salue, qui est le producteur et animateur de l'émission, pour laquelle travaille Alexandre Magirus, Young Jeune sur Twitter. Très très bon tweeto que je recommande d'ailleurs, c'est ma rococulture. Il recommande des tweetos. Lui, il bosse là-bas, il écrit les voix off de l'émission, etc. Et le prod lui a dit un jour, on aimerait bien faire décoller notre chaîne YouTube. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, est né Immobuzz, il a proposé un programme Buzz avec... que des talents du web. C'est vrai que c'est un programme c'est Buzz. C'est un programme Buzz, d'où le titre. Ouais. Et du coup, Alex a monté une espèce de les Avengers de l'immobilier. Donc Camille, Alex, Kemar, Teddy et moi-même. Ouais. Et ainsi est né Immobuzz, du coup, qui partage la chaîne avec la vraie émission. C'est-à-dire qu'entre chaque épisode d'Immobuzz, il y a deux épisodes de Proprio à tout prix. Ce qui est peut-être un peu handicapant, peut-être. En termes d'abonnés, oui. Bon, j'ai pas la preuve, c'est comme beaucoup de choses en ce moment, je n'ai pas la preuve, mais on peut s'en douter éventuellement, voilà. Camille, ouais. Alors donc les gens ont vu que tu allais sortir un bouquin fin juin, ouais. Et qui te demandent, est-ce que tu pourrais un peu expliquer, raconter de quoi ça parle? C'est un roman d'ailleurs, il faut le dire. Ouais, c'est un roman, c'est un journal intime d'une ado de 15 ans, et qui veut devenir autrice et qui écrit des films de merde où c'est l'héroïne, parce que c'est pas trop l'héroïne de sa vie, quoi. D'accord. Donc voilà, ça parle de harcèlement scolaire. Ok. De l'ennui, de la peur du futur. Donc c'est bonne ambiance. Et ouais, de l'adolescente, ouais. Mais c'est très marrant. Enfin, ouais, franchement, ouais, je me suis fait beaucoup plaisir, quoi. Ouais. Je sais pas si j'en écrirai d'autres, franchement. Donc, ouais. C'est un gros taf ou pas, toi qui as fait de la fiction. Moi j'ai l'impression que c'est une montagne. Non, c'est horrible. Trop dur à gravir, quoi. Ouais, ouais. Franchement, c'est hyper dur. C'est génial et horrible à la fois. D'accord. Ouais, ça définit plein de choses de ma vie, moi, donc pour le moment ça me va. Bah en fait, c'est très solitaire. Et en fait, comme c'est un énorme travail de beaucoup de pages que t'amasses, bah, tu vois, tu peux pas vraiment le faire lire à quelqu'un. C'est pas un service que, enfin, c'est un trop gros service que tu demandes à tes potes, en fait. Personne n'a le temps de lire 50, 60, 70 pages plusieurs fois pour toi. Ouais, bien sûr. Donc t'es un peu seul avec ton secret. Et tu te dis, bah, est-ce que je suis pas en train de collecter des pages et des pages de merde, quoi. Ouais. Et donc c'est... Ouais, tu peux peut-être les mettre dans une tasse et... sur un animal. Sur des dauphins. Tu peux trouver des trucs. Et d'un coup, il y a un dauphin dans ton appart. Ah, t'as l'air sympa. Et ouais, voilà. Des clopes, hein, le dauphin. Et il est en précommande. Ah oui, c'est vrai, mais depuis hyper longtemps. Il en est, fait, oui, c'est tout le temps, ouais, ça. Ouais, c'est moi, tout pareil, le temps. Quand j'avais écrit ma bande dessinée pour Delcourt, j'avais pas fini, enfin, elle était pas finie d'être dessinée, qu'elle était déjà en précommande sur tous les sites. Tu mets toujours une petite pression, voilà. Mais moi, je sais pas toi, mais moi, le titre, je me suis dit, oh, peut-être je changerai plus tard, tu vois. Puis le truc, il est déjà sur la fenêtre. Bah là, puis là, il y a la couverture, il y a tout. Hein, ouais. Il y a vraiment tout. Bah ouais, enfin, elle était même pas validée. Et est-ce que c'est une façon un peu détournée, enfin, c'est pas autobiographique, mais est-ce que c'est une façon un peu détournée aussi de parler de toi? Ah oui, mais moi, je parle que de moi, j'adore ça. Oui, mais il faut. Bah, tu sais, ça fait 7 ans qu'on fait que ça, nous, hein, donc. Bah, je suis pas assez capée pour écrire des trucs sur des trucs que je connais pas. Ouais. Enfin, un livre toute seule, bien sûr, je vais parler de ce que je connais. Ouais, bah, c'est normal. Ouais. Puis c'est même plus intéressant pour les gens. Ouais, puis je tords la réalité, tu vois, il y a des trucs. Bon, voilà, je tords. D'ailleurs, tout c'est une jeune d'aujourd'hui ou c'est une jeune de quand toi t'étais jeune ou là déjà. J'ai eu envie de céder à la facilité de placer la fiction dans les années 2000. Ouais. Ouais, sans portable et tout. Ouais, mais en fait, j'avais envie que les jeunes d'aujourd'hui ils se sentent, ils puissent s'identifier. Et en plus, c'était trop tentant de faire plein de name dropping d'émissions télé de merde que je regardais, tu vois. Ouais, et en fait, sûr. Ça, c'est la facilité. Et de c'est ouf. Pas, tu vois, j'aurais été trop tentée de parler de Laurent Ranquier toutes les deux secondes. Bien sûr, comme nous on le fait d'ailleurs. nous, on ne prend pas tes gants, disons. Mais oui, c'était ma question suivante. En fait, c'est un truc aussi pour les gens de l'âge de l'héroïne. C'est-à-dire que ça peut leur parler. C'est vraiment un roman jeunesse. Ok. C'est vraiment une boîte d'édition jeunesse. Super. Mais après, je l'ai écrit un peu. Il y a un peu une double lecture. J'ai aussi pour faire marrer mes potes, tu vois. Bien sûr. Je veux que les adultes, mes potes, le lisent. C'est Shrek, quelque part. c'est pour les grands et pour les petits. Exactement. C'est ton Shrek. Ouais, c'est mon Shrek. C'est ton Shrek, on peut pas. Question pour Adrien. Eh bah tiens. On te voit de plus en plus apparaître dans l'émission Popcorn. Et c'est vrai qu'on en a jamais parlé dans Floodcast, mais c'est vrai que. C'est vrai, oui. Non, on avait reçu Domingo. Et derrière... On en a parlé un petit peu, je crois. Ah ouais, bon, écoute, fait, je crois. La question en tout cas, c'est quelle est ton expérience? C'est vrai que c'est un peu différent du Floodcast. C'est un peu le rôle n'est pas exactement le même. Et en même temps, ça reste un talk. Est-ce que tu peux un peu en parler aujourd'hui? Ouais, c'est ça, mais. Non, si, il me semble que j'en avais parlé vite fait. Mais en gros, c'est trop bien. Après, évidemment, là, je suis. Enfin. J'y suis allé 3 fois pour l'instant et effectivement c'est pas le même ton que le Floodcast, on parle beaucoup moins d'urine, ce genre de choses. Domingo n'a, à ma connaissance, jamais pissé sur un dauphin. Non, voilà. Et c'est peut-être son erreur, mais c'est bon peut-être... après c'est voilà. Voilà, mais après, et j'ai pas de leçon à donner à PA. Il a la vie devant lui. Hein. il a une très belle carrière devant lui. C'est vrai. Moi j'y suis allé 3 fois, je suis encore en phase d'adaptation de. Je trouve ça trop cool de participer, mais c'est vrai que je cherche encore, je pense, à trouver mon équilibre, quoi, parce que entre, comment j'interviens, etc. Parce que effectivement, c'est très différent du podcast, ne serait-ce que parce que c'est en direct. Ben oui. Et ça te stresse ou pas du tout d'ailleurs? Non, ça me stresse pas, mais c'est vrai que c'est mon truc, ça. C'est moi qui suis stressé par le direct. Non, mais si, il y a, enfin, en vrai, je vois pas quel genre de dinguerie je pourrais dire. T'es un fou, mon pote. J'adore Dieudonné. Oh, non, je coupe ça. Hein, oh, merde. Oui, puis tu passes après Sardoche, donc après tout. J'ai envie de te dire. Ouais. Non, mais voilà. Et puis en fait, c'est une façon aussi un peu différente de prendre la parole, parce que c'est beaucoup justement Domingo qui donne la parole aux gens. Contrairement au Floodcast où c'est un peu plus organique, où on parle quand on veut et tout. Donc c'est un peu différent, quoi. C'est une autre manière de faire du divertissement, mais je trouve ça trop cool. Il n'y a pas de stress que là, ça aille devant des. C'est l'émission la plus suivie, non, je pense, sur Twitch. Ah ouais, je pense. Non, moi ça, je m'en branle, j'avoue. C'est pas. Bah non, mais. Ah non, mais la classe. Non, mais c'est même pas. Mais il vient de relever son col en disant ça. Il a acheté une clope derrière lui, ça a explosé. Non, mais c'est même pas une fierté. Non, mais je sais, c'est vrai. Ça doit être le revers d'un truc. je dois m'en branler des trucs qui sont vraiment importants en même temps. L'audience, c'est pas ça qui me paralyse. Enfin, sauf quand c'est sur scène, par exemple. Bien sûr. Mais ça nous arrivera jamais, je pense, t'inquiète. Non. une question pour moi, parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais oui, tiens. Non, parce que les gens demandent, c'est revenu plusieurs fois, d'expliquer ma place dans le générique du Flambeau. Parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Il est écrit en collaboration avec Florent Bernard. Alors, moi j'ai beaucoup moins écrit sur le Flambeau que sur La Flamme. La Flamme, c'était vraiment écrit à 3 avec Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Et sur le flambeau, moi, je n'ai pas développé les personnages, les arches narratives, ce qui se passe dans les épisodes. Mais à un moment de l'écriture, ils étaient un petit peu en rasera, pour citer Cyril Hanouna, ouais. Et ils avaient juste besoin de rajouter des vannes, en fait, des punchs, des blagues, voilà, vraiment juste des blagues, quoi. Moi, j'ai rien touché à l'histoire, au perso, ouais. À la structure, j'ai même pas donné mon avis, quoi. Moi, c'était pas mon métier, c'était de rajouter un max de blagues partout. Et ensuite, Jonathan, Jérémy, et même les autres auteurs, donc Hugo, David, Freddy, ont fait leur marché, quoi, un peu, voilà, dans ce qui leur faisait, dans ce qui les derrière. Et c'est-à-dire que même au moment de l'écriture, moi, je n'ai même pas su ce qu'ils gardaient ou ce qu'ils gardaient pas. Alors, je suis ravi parce que j'ai vu les épisodes et il y a des trucs vraiment trop marrants où je suis trop content parce que c'est sublimé par des acteurs que j'adore. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même une vanne jouée par Cadmerad, donc je vais pas faire la liste des blagues qui sont de moi, mais. Sans doute. Hein? On peut deviner. Non, pas, et tu serais surpris. Oh, le PQ, allez. Non, celle-là, oui. Celle-là, oui. Mais parce que d'un coup, c'est Cad qui la joue, et donc du coup, j'ai des paillettes dans les yeux. Ainsi que dans ma vie, d'ailleurs, je suis Kevin. Bien sûr. Et non, mais voilà, donc c'est une expérience très, très différente. Mais quand on m'a dit, on m'a écrit part, moi, je me suis senti gêné par rapport aux autres auteurs qui ont beaucoup travaillé. Il faut savoir que Le Flambeau, ça a été un très gros travail d'écriture. Et Jonathan a la délicatesse d'en parler souvent, d'ailleurs, de dire que voilà, les auteurs ont vraiment taffé de fou. Et moi, vu qu'en vrai, mon travail s'est limité à, disons, deux grosses semaines. Je trouvais ça un peu abusé de mettre écrit part, alors que sur la une, pour le coup, j'avais vraiment bossé une année entière avec Jonathan et Jérémy. Sur la deux, j'ai fait une petite. C'est un travail de repasse. Voilà, donc j'ai demandé de me mettre en collaboration parce que le vrai taf, c'est vraiment les auteurs qui l'ont fait. Et voilà, je me sentais mal d'être à pied d'égalité avec ces gens-là. Donc voilà, je voulais clarifier parce que voilà, les gens se demandent alors, est-ce que t'as écrit dessus, est-ce que t'as pas écrit dessus ? Quelque part, j'ai écrit un peu dessus, mais vraiment, tout le mérite revient aux auteurs qui ont vraiment taffé, même les week-ends pendant le tournage. Enfin, c'était vraiment un truc... C'est très rock'n'roll, Le Flambeau. Donc voilà. Plus rock'n'roll que le film rock'n'roll avec... Non, j'irai pas jusque-là. Non. Bah, là, c'est le summum du rock'n'roll. Voilà, non, ça n'a pas été jusque-là. Babor, as-tu d'autres projets de long métrage? C'est vrai que t'en as fait deux. Procès. D'autres procès de long métrage. J'ai adoré Un Pion Sable et son casting 3 étoiles. Bah oui, casting 3 étoiles. J'aimerais beaucoup en refaire un, mais ça prend beaucoup de temps. Et en fait, j'avais commencé à en écrire un nouveau. Et qui s'est. Ah, tu les écris déjà. Oui. Non, le dernier, je m'étais chauffé pendant le dernier confinement et je suis pas sûr d'avoir une autre aubaine comme ça. On n'a pas le choix de sortir chez soi. Je me levais, j'écrivais une scène par jour. Trop bien. C'était ma petite morning routine. Et du coup, ouais, j'aimerais bien refaire un. Mais du coup, j'ai commencé à en faire un. Et après, j'ai trouvé une petite prod qui me dit hey, t'aimerais pas essayer de faire un truc un peu plus pro? J'ai dit ouais, pourquoi pas. Et ça s'est transformé en série. Donc j'ai fait un gros dossier de série très long. Ah ouais. Voilà. Et du coup, là, je suis dans la phase où je cherche, je cherche à bien la sûr. Vendre, à la refourguer, etc. Mais c'est le genre de truc qui va mettre 3 ans. Donc, entre temps, enfin 3 ans, si ça se fait un jour, quoi. Ouais, bah c'est le pourcentage c'est le de chance. C'est ouais. Le métier. Non, mais je sais que c'est assez infime, faut être réaliste là-dessus. Et du coup, dans l'idéal, j'aimerais peut-être réécrire un truc un peu long parce que moi j'aime pas faire des courts-métrages. J'aime bien l'idée de. On aimerait bien en écrire un avec Camille de court-métrage parce que on se dit qu'il faut peut-être passer par là, mais j'aimerais bien refaire un truc dans l'esprit un peu YouTube, un truc facile à tourner que je peux faire moi-même en m'entourant de potes et d'un autre casting 4 étoiles cette fois-là. Ouais. C'est vrai que 3 étoiles, ils auraient pu dire 4 hein, quand même. Pas très sympa l'auditeur. Ouais. Oui, d'ailleurs, je vous invite parce que bon, je m'intéresse à des trucs passionnants, mais de regarder les critères des étoiles des hôtels. Et en fait, 3 étoiles, on a dans notre imaginaire, on se dit assez stylé, 3 étoiles. Les critères pour avoir 3 étoiles, c'est de la c'est chiasse, ultra quoi. Basique. C'est genre avoir des chiottes dans la chambre, quoi. Ouais. Des trucs comme ça, quoi. Donc en vrai, 3 étoiles, ça peut être vraiment un taudis, quoi. Si t'es pas une auberge de jeunesse, t'es déjà un hôtel 3 étoiles, quoi. Mais vraiment, les critères pour. La surface minimale doit être de 13,5 mètres carrés. L'accueil doit être disponible 12 heures par jour et chaque chambre doit intégrer une télé couleur avec télécommande. Mais déjà... Donc tu vois déjà de quand ça date. Une salle de bain et un WC. Voilà. C'est donc tout. En vrai, voilà, donc ça peut être un taudis total. 3 étoiles, c'est rien, quoi. C'était pas pour dénigrer ton casting. Hein. Il y a aucun problème. Dans ton casting, les chiottes sont à l'intérieur, ce qui est déjà très sympa de sa part, quand même. Et notre appart est 3 étoiles. Je suis super heureux de le savoir. Ah, ça fait plaisir. Bah quand ouais, même. Non, je vais l'afficher sur la porte. Camille, tu as dit sur Twitter que tu avais travaillé sur la dernière saison des Cassos. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de reprendre un projet comme ça qui est culte pour toute une génération et d'arriver sur une saison comme ça Qu'est-ce que ça me fait Bah non, mais en gros, comment ça se fait plutôt, je pense. Ah. Dans la question, effectivement, dit qu'est-ce que ça te fait, mais moi, la mienne, c'est plus de te dire, voilà, comment on reprend le train en marche, comment ça s'est passé, comment on écrit les cassos, en fait. Bah, c'est un peu dur parce que du coup, il faut se retaper toutes les saisons avec le putain de générique. Les cassos. Très agressif. Ouais, il faut regarder un peu toutes les licences qui ont déjà été parodiées. Ouais. Donc, ça, c'est le premier truc à faire. Il y a quand même 5 saisons. Ouais. De 16 épisodes, donc y a quand même pas mal de trucs qui ont déjà été faits. Après, il y a des persos un peu cultes aussi qui reviennent. Ouais, mais toutes les évidences ont déjà été faites, quoi. Ouais, c'est vraiment, tu vois, comme les auteurs de scènes de ménage, toutes les évidences ont été faites, tu vois. Et en fait, j'ai dû un peu me rencarder sur tout ce qui était un peu à la mode. Voilà. Moi, j'avais des carences. Des carences ? Non, ça dit pas. Lacunes ? Ouais, des lacunes. Ouais. Des lacunes sur tout ce qui est. Calcium. Naruto, ah non, bah du coup, c'est carence. Pardon. Naruto, tous ces trucs-là. Ouais. Et bah ça c'est irrattrapable, hein. Tu peux pas... Non, ouais, je pense c'est One Piece, il y a 125 tomes, donc ouais. Bon voilà, faut avoir plein d'idées et il faut apprendre à les pitcher, tu vois, parce que si tu la pitches mal, après t'es niqué, tu vois. Ouais. Alors que l'idée peut être bien, mais tu la grilles, c'est ça qui est hyper frustrant et que j'ai appris à faire grâce à ce taf. Ouais. Et vous brainstormez ou pas du tout? Est-ce que des fois vous êtes tous autour de la table et ça balance des vannes Ouais. Il y avait des semaines où on faisait que ça. Enfin, deux après-midi par semaine, on balançait. Voilà. Ça, c'est trop cool. Mais ça, c'était trop cool, ouais. Avant, j'avais trop peur de dire mes idées et maintenant, je m'en fous, j'ai aucun filtre, je dis toutes mes idées. Parce qu'en fait, tu peux faire une passe décisive sans t'en rendre compte. Ouais, de ouf. Ouais. Une idée pas top peut devenir ouf grâce à quelqu'un d'autre, donc faut vraiment, en fait, jamais s'auto-censurer. Et voilà. Donc ça c'est trop bien, quoi. Cette expérience pour ça. On juge pas en salle d'auteur. C'est ça, et puis moi, je trouve que c'est ça que j'aime bien chez les auteurs et c'est pour ça que ça a toujours été. Je préfère réaliser, mais je trouve que le meilleur métier, c'est auteur. Parce que. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup. C'est le métier où il y a le plus de respect. Enfin, je trouve les auteurs très respectueux entre eux. En plus, il y a toujours un espèce de truc où tu prends toujours plein de formes, où tu dis bon alors c'est une V1, on juge pas. Et les autres à chaque fois ils font bon alors moi je pense, et le prends pas mal, hein, vraiment c'est un avis, ça vaut ce que ça vaut. Enfin moi j'ai toujours, et j'aime bien moi ce truc là. Et après quand tu connais mieux tu le fais moins, ça qui est cool. Mais je trouve que c'est un métier où les gens se respectent vachement, je trouve en tout cas. Et c'est pour ça que j'adore ça. Ce qui est moins le cas dans plein d'autres métiers de l'audiovisuel. Chers amis. Je vous ai demandé des recommandations culturelles avant que vous veniez, et quand je dis avant, c'était à peu près 3 minutes avant l'enregistrement, je vais être tout à fait honnête. Top Gun, Maverick. Commençons par toi, Clément. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager, à nous et aux auditeurs, évidemment? En ce moment, on joue un jeu avec Camille, alors qui n'est pas forcément super récent, qui s'appelle It Takes Two. C'est un jeu trop bien pour jouer en couple. Vachement bien. Franchement, on n'a pas trouvé trop de jeux à jouer à deux, avec un niveau équilibré ou... Enfin, moi, je joue beaucoup, Camille un peu moins, et du coup, ce jeu, il est parfait. Alors, si tu veux nous le pitcher un petit peu. En gros, c'est une histoire de famille. L'histoire est vachement bien, en plus. Est hyper cool. C'est, en gros, la cinématique d'ouverture, c'est deux parents qui sont en train de s'engueuler. On comprend qu'ils sont au bord du divorce. T'as leur gamine qui entend tout. Et leur gamine, elle joue avec des petites poupées. Et elle pleure sur ces poupées. Et les poupées prennent vie et les parents deviennent les poupées. Du coup, ils se retrouvent dans un monde où eux, ils sont miniatures et tout le reste est géant. Et ils doivent faire des aventures. Et on comprend, alors on en est qu'à la moitié du jeu, mais que ça va les aider à se rabibocher potentiellement. J'imagine. Mais le gameplay est super cool. Chaque niveau, il y a des mécaniques un peu différentes. Et c'est le meilleur jeu pour jouer à deux, je trouve, en tout cas. Il y avait un autre jeu aussi, là, le jeu des petites pelotes. Ah oui, Unravel 2 sur Switch. Super jeu. Ah ouais ? Très cool, ouais. Alors ça, c'est quoi le concept ? Alors c'est en 2D, t'es une petite pelote de laine qui envoie des fils comme ça. Il y a un côté un peu Spider-Man, mais c'est un jeu de plateforme, quoi. Mais c'est très cool aussi pour jouer à deux. C'est très poétique dans l'ambiance. Les musiques sont très belles. La musique, c'est trop mignon. C'est trop bien. Tu te sens trop bien quand tu joues à ça. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est sur Switch ou c'est sur Switch? Ok, sur Switch. Ça, c'est sur Switch et l'autre, c'est sur plusieurs plateformes. Ouais, moi, j'ai joué sur PS4. Exactement. Ouais, voilà, Mais si j'ai assez. Je te rejoins sur le côté. Tu peux être de niveau complètement. Enfin, pas forcément d'être bon ou l'autre mauvais parce que c'est assez bien reparti. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Camille? Moi, je regarde une série en ce moment qui s'appelle Better Things. Ok. De Pamela Adlon. D'accord. Ah oui, oui, oui. Co-créé avec Louis C.K. D'accord. C'est pas une série avec un énorme concept hyper fort. C'est juste une mère de famille qui élève seule ses trois enfants, qui vit à Los Angeles et qui est actrice, mais pas une actrice super connue. C'est genre un peu comme moi, elle bosse. Donc du coup, ça m'a aidé à rentrer dedans direct, voilà. Mais elle est reconnue par ses pairs, donc il y a plein de guests dans la série. et ça parle de maternité beaucoup parce qu'elle vit proche de sa mère à elle. Donc c'est marrant de voir ce qu'elle construit avec ses enfants et la relation qu'elle a avec sa mère, ce qui se reproduit, ce qui diffère, etc. Et c'est assez beau sur l'enfance aussi. On est pas mal dans le quotidien des filles, et elles ont trois âges différents. Tiens, il y a une ado, une qui a 10 ans, et l'autre qui est vraiment une petite fille et qui rêve beaucoup. Et on est pas mal dans sa tête et tout, donc c'est très beau. Enfin, moi, j'ai adoré ces moments-là. Et bon, les saisons sont pas toutes... des fois, il y a un épisode qui est passé, tu dis, bah, ok, je sais pas trop. Bah, moi, ce qui était un peu mon cas sur Louis, parfois. Oui, des fois, il y avait des épisodes incroyables, et d'autres, tu fais, bon, ok, là, t'es parti sur un truc. Ouais, où je vois pas, j'arrive pas à faire le lien, des fois. Puis, des fois, bah, elle me surprend parce que je fais un lien avec un truc d'il y a trois épisodes, tu vois. Je sais pas, il y a toujours. Ça retombe sur ses pattes. Voilà, mais j'ai trouvé ça. Enfin, j'adore. Trop bien. Et tu sais sur quoi c'est dispo? Moi, je regarde sur MyCanal. D'accord, ok, c'est sur MyCanal. Ok, génial. Adrien? Alors moi, comme la dernière fois, j'avais recommandé le jeu Semantics. Du coup, j'ai goûté à ce que c'est d'être hyper cool et d'être ultra sexy. Je vais recommander un autre jeu qui m'a été recommandé par Anthony Merli, qui s'appelle Not Words, K-N-O-T Words. Okay. C'est assez compliqué à décrire. C'est un peu des mots fléchés, quoi. Un mélange de sudoku et de mots fléchés, en gros. Faut savoir que quand il nous pitch ça, il a des Ray-Ban et une veste en cuir. Hein. Oui, voilà. Attends, j'ai éteint ma clope quand même. sur mes Santiago. Sur le creux de ta main. Bien sûr. Non, en fait, c'est comme une grille de mots fléchés. Sauf que la grille, elle est séparée en plusieurs zones. Et en gros, on te dit, dans telle zone, il y a telle lettre. Genre N, Z, O, O, N. Et en gros, dans chaque zone, il y a telle lettre. Et en gros, toi tu dois. C'est très dur à. En fait, il faut y jouer, vaut mieux y jouer. Quoi. C'est payant, c'est. Il y a une version gratuite. Okay. Et après. Donc, en gros, vous pouvez tester. Voilà. Au bout d'un moment, si tu veux jouer avec plus de grilles, ce qui était mon cas. Bah, toi, t'es un dévoreur de grilles, bien sûr. C'est un abonnement, mais qui coûte que dalle. Okay. Donc voilà. C'est sur ton téléphone ? Ouais, c'est sur. Bonne question. Oui, c'est sur téléphone. Et non, c'est assez cool. En fait, c'est comme des mots fléchés, sauf qu'il n'y a pas une définition. Il y a juste. On te dit, bah, dans telle zone, démerde-toi, mais tu dois mettre telle lettre. Il n'y a pas forcément besoin d'une énorme culture. Alors, de c'est que en anglais, par contre, pour l'instant. Donc, voilà. Donc, c'est pas forcément des mots très compliqués et tout, mais bah, voilà. Et en gros, tu dois te démerder pour remplir la grille et d'avoir des mots partout, etc. Mais c'est assez. Enfin, c'est un développeur qui s'appelle Zach Gage, qui est un mec qui fait plein de jeux vraiment trop bien, et je crois que c'est son dernier jeu là, et ça m'occupe pas mal dans le métro et tout. Trop bien, c'est très cool. Voilà. Génial. Et bien pour ma part, je vais vous conseiller deux films. Alors il y en a un qui est pas forcément facile à trouver en ce moment, parce que moi en plus je l'ai vu tard par rapport à sa sortie, qui s'appelle Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst, avec entre autres Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béat. Et alors c'est faut aimer les films, c'est un film d'auteur, c'est Michael Hirst, moi c'est un gars que j'adore. Il avait fait deux films que j'avais kiffé, surtout le film Amanda avec Vincent Lacoste et une petite fille blonde. Ça parlait d'attentat, alors pas de ceux du 13 novembre, mais qui parlait quand même d'attentat, donc il y avait tout un écho. Et c'était un super beau film sur comment tu te reconstruis après un drame, etc., etc. Moi j'avais adoré ce film. Et les passagers de la nuit, c'est vachement bien aussi. Ça se passe dans les années 80. Et Charlotte Gainsbourg joue une mère de famille, divorcée, elle doit gérer ses deux adolescents, et elle fout pas grand chose dans sa vie, elle est un peu paumée, ça a été une mère au foyer, donc là elle se retrouve divorcée, elle sait pas trop quoi faire, elle a toujours fait que élever ses enfants, et en gros elle écoute la nuit une émission de radio style Macha Meryl, c'est Emmanuel Béard, et elle devient standardiste pour ce métier-là, et donc elle rencontre une jeune femme qui a des problèmes, et voilà, elle l'émerge, bon bref, je vais pas vous spoiler tout le film, mais c'est comme Amanda, je trouve que c'est très juste comme film, c'est très joli, il y a des belles scènes. Bon, Charlotte Gainsbourg est incroyable, mais elle est tout le temps incroyable. Et c'est un très joli film. Alors moi j'ai déjà eu du mal à le voir parce qu'il passe dans plus beaucoup de salles à Paris, donc je ne sais pas trop à quel point il sera visible un peu partout en France. Mais s'il passe près de chez vous, n'hésitez surtout pas. Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst, c'est vachement bien. Les ados sont super aussi. Il y a l'actrice Noé Habitat qui était là, qui était dans Le Grand Bain aussi, et qui est trop forte. Ouais. Enfin, genre dans le film, elle est incroyable, quoi. Donc elle a un rôle vachement fort, quoi. Donc super film, Les Passagers de la Nuit. Et alors, plus facile à trouver dans un autre délire, le film Tic et Tac. Alors, c'est sur Disney+. Non, ça s'appelle Chip and Dale Rescue Rangers. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que c'est les Lonely Island, en fait, qu'on fait, oui, ce film. C'est Akiva Schoffman. Non, Akiva, attendez, j'ai un doute. Oh mon dieu, Chip and Dale Rescue Rangers. Non, c'est pas Akiva Schaffer, pardon. Oui. Akiva Schaffer qui l'a réalisé. C'est avec Andy Samberg et John Mulaney qui font donc Tic et Tac. Putain. Alors moi je regardais Tic et Tac quand j'étais petit, mais en fait on en a rien à foutre, hein, c'est pas du tout le concept. Ouais. Ils se sont fait un kiff style Roger Rabbit. Mmh. En gros l'histoire c'est Tic et Tac, Chip and Dale donc sont les acteurs de la série et sont devenus des ringards un petit, okay, peu, quoi. D'accord. Donc il y en a un qui a voulu continuer sa carrière d'acteur et il galère. Il y a une blague très drôle où lui il s'est fait une chirurgie 3D pour continuer, oui, à être dans le coup. Là où l'autre il fait un autre métier maintenant, il est assureur, donc vraiment complètement autre chose, donc un truc qui n'est pas un Rescue Rangers, vraiment l'inverse. Donc c'est très malin. Et en gros, c'est vraiment un Roger Rabbit, puisqu'il croise plein de gens de la pop culture du dessin animé dans un monde où les humains se mélangent à l'animation, mais toute l'animation, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un perso, c'est une marionnette en chaussettes qui s'approche, okay, il y a un perso, c'est de la pâte à modeler, il y a un perso, c'est. Et il y a toutes les. Il y a beaucoup de. Comment de. C'est pas que d'animation. Disney, en fait. Ok, d'autres licences. Il y a d'autres licences, exactement. Okay, il y a du Shrek, il y a du. Il y a du South Park, il y a du. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Alors si je devais donner un défaut, c'est que l'animation 2D est un peu moche, bizarrement. Ah ouais. En gros, c'est de la 3D refaite en 2D. Moi, j'y connais rien d'animation. J'en ai parlé justement, c'est drôle, avec Anthony Mirelli. Ouais. Et j'ai fait 2-3 recherches. Et en gros, ils ont pas pu faire de l'animation dessinée, en gros, sur le dessin. Donc, en gros, c'est de la rotoscopie. Je sais pas si c'est le bon terme. Non, je pense pas. C'est pas ça. Rotoscopie, c'est quand tu. Tu détours. Tu décalques une vidéo, en fait. Bah, en vrai, c'est un peu ça. Parce qu'en gros, c'est. Du coup, ils ont fait. Sur un modèle 3D. Des écureuils et ils les ont. Non, mais c'est en gros, tu sens que c'est un modèle 3D. C'est pas des écureuils d'ailleurs. Non, c'est un modèle 3D. Dessin animé, du coup c'est un peu moche, quoi. D'accord. Et mais par contre il y a des idées dedans géniales. Par exemple le méchant c'est Peter Pan qui a vieilli, donc rien que ça en fait c'est super glauque, parce que c'est le mec est devenu un gangster, quoi, et c'est plus ou moins ce qui est arrivé à la voix de Peter Pan aux États-Unis. Okay. Et il y a plein d'idées très marrantes. Je vous en spoil une, elle est au tout début du film. Elle est au tout début du film, quand même. Non mais j'y vais mollo. Mais au tout début du film, donc en gros pour survivre je crois que c'est Tic, bon je sais plus, en gros Andy Samberg il fait des ordres de Comic Con, quoi. Et en face de lui, il y a le Sonic moche qui fait des dédicaces. Donc pas le Sonic du dessin animé de le Sonic qui a été supprimé des bandes annonces. Okay, et donc c'est un vrai personnage du film. Il s'appelle Ugly Sonic. Et c'est Tim Robinson qui le fait en plus, qui est très drôle. Putain, bon, et en gros, c'est ce que je regarde ce soir. Il faut vas-y quelqu'un qui fait une dédicace. Oh, on veut une dédicace de Ugly Sonic. Il fait ok, je sais que c'est du second degré, mais vu que j'en rigole, c'est bon, ça me fait pas mal. Enfin, ouais. Et c'est très très drôle. Et il y a quelqu'un sur Letterboxd qui a dit c'est comme si Roger Rabbit rencontrait Shane Black, et c'est vraiment ça, quoi. Shane Black qui a fait L'Arme Fatale et Kiss Kiss Bang Bang, tous ces films là et donc voilà, Chip and Dale Rescue Rangers, c'est pas un grand film mémorable, mais ça va vous, enfin moi en tout cas ça m'a vraiment fait marrer non-stop pendant une heure et demie, ce qui est déjà vachement bien, et c'est sur Disney+. Voilà les amis, bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. C'était trop cool. Donc dernier petit tour de table, donc Camille, ton livre, ouais, le 30 juin, alors comment qu'il s'appelle, le rappelons, en mode voilà quoi. En mode voilà quoi, déjà dispo en précommande. Ouais. Et tu feras peut-être des dédicaces, tu sais pas encore. Ouais, mais je sais pas trop dans les culturages, je crois. Ouais, d'accord. Non, mais des zones commerciales. Très bien. Ouais, sur ma tournée française. Là. Mais c'est trop bien de sortir un bouquin en juin, je trouve, parce que du coup, tous les ados, elles peuvent le lire, ou ados ou garçons d'ailleurs, peuvent le lire cet été, quoi. Ouais, ouais. Donc, bah ouais, ouais, carrément. N'hésitez pas à vous le procurer. Bon, Clément, tu viens de sortir une vidéo, c'est ça, sur l'affaire. J'ai pas d'énorme actu là. Oh, bah, j'ai pas de sortie. T'es le seul qui a eu un procès autour de cette table. C'est pour vrai. Moi, t'es un blouson noir. Mais c'est pas fini. Hein. Oh. C'est pas fini. Ah bah c'est ça, ah, qui, non, est c'est ça qui est bien. Donc sur ta chaîne YouTube. Ouais ouais. YouTube, voilà, toujours. Et Immobuzz d'ailleurs aussi, que vous, sur lesquels vous êtes tous les deux, ouais, qui continue. Ah non. Ok, d'accord, très bien. Non mais du coup l'idée. Par rapport à ce problème de cohabitation de contenu sur la chaîne, avec on s'est des dit, agents immobiliers, on va créer le nouveau studio Bagel. Non, on va créer une nouvelle chaîne en repartant de zéro. Donc, ouais, on ne sait pas encore le nom. Je peux même pas vous dire d'aller vous, ouais, abonner, mais c'est le projet. Quoi. Okay, eh bien, on suivra ça avec attention. J'espère bien. Et Adrien, Visitors, toujours dispo sur oui, Warner TV. Ouais, sur Warner TV. Ça y est, le final est en ligne d'ailleurs. Ouais, vous pouvez tout binger. Ouais, il y a tout qui est sorti. Puis toujours Derby Girl saison 2 sur France TV slash. Une petite tête chez Popcorn de temps en temps. Ouais, voilà. Et puis non, bah voilà, c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais. Désolé, hein, la semaine dernière, c'est ma faute, on n'a pas fait d'épisode. J'ai mal géré mon emploi du temps, il y a eu plein de choses. On a tourné des sketchs pour Yvick, déjà. Le mec était à Cannes. Je suis allé à Cannes, Non mais voilà, c'était compliqué. Mais voilà, on continue. Je pense qu'on va diffuser jusqu'à fin juin, tout début juillet. Après, on va faire une petite pause parce qu'il faut qu'on prépare quand même la rentrée. Ouais, on a quand même une tournée. Oui, on a commencé à préparer. On vous rassure, mais bon, il y a quand même, faut mettre vraiment les mains dedans. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Merci. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Behind the breakthrough innovation, biotech is known for real people. People driven by passion, perseverance, and ingenuity. I am Alberto Grignolo and host of Clinical Trailblazers, a podcast from Parexel Biotech, where science meets human stories. In each episode, I sit down with biotech visionaries to hear about the decisions, risks, and accomplishments driving the future of scientific innovation. Subscribe now to Clinical Trailblazers, wherever you get your podcasts.